ーションの可能性は無限に広がっているっていうようないいよもっともらしいことを言いつつ、実はね、そのじゃあこういう企画を出した時なんでアニメでって同じ口が言うんですよ、自分たちで狭めてると思うんですよ。その表現の可能性が無限にあるって言いながら、結局は美少女とロボットと爆発描きたいみたいなね。いやそうじゃないでしょって、無限にあるんだからこういうのがあってもいいじゃないかと。なかなかそっちの方でこう新しい素材というか今まで扱わなかったような題材をこう扱う人が出てこなくなるんです。 On dit que l'animation a un potentiel sans bornes, mais la même personne dira « ça ne convient pas pour l'animation ». C'est la profession qui impose des frontières à l'animation. Jolie fille, robot, explosion, voilà ce qu'il faut. Eh bien non, des films comme celui-ci existent et marchent. Je voudrais que plus d'artistes créent des histoires uniques en dessin animé. On ne pouvait pas commencer évidemment le bulle de rêve de la rentrée sans rendre hommage à Ken Satoshi, malheureusement qui est décédé cet été. Donc vous avez entendu le générique du début qui est de Paprika, juste un tout petit bout malheureusement, et vous avez entendu la voix de Ken Satoshi qui disait ce texte qui est sur le bonus de Tokyo Godfathers. Et toutes les pauses musicales aujourd'hui seront de l'univers de Ken Satoshi pour lui rendre un hommage juste d'un sûrement d'un des plus grands artistes qu'il y avait aujourd'hui dans l'animation. Donc voilà, c'était vraiment l'un des moments tristes de cet été, avec aussi la mort malheureusement de Kiyachiro Kawamoto, dont vous avez entendu une interview il y a quelques années, grand maître japonais de l'animation, notamment de marionnettes. Voilà, bulle de rêve, donc c'est la rentrée, et une rentrée, on s'est dit, bah tiens, on va inviter une école pour la rentrée tant qu'à faire, et on s'est dit, quelle école on pourra inviter, et il y a des noms comme ça dans le monde, dans le petit monde de l'animation qui amène à la fois l'amour et la haine un peu déraisonnée. On a Disney, on a les frères Kuei, on a Cartoon Expérimental, on a plein de noms comme ça, et... Les Gobelins, voilà, je vous ai dit le nom de l'école, est une de ces écoles qui ramène énormément de choses autour d'elle, autour de son nom. On va essayer de voir un petit peu tout ce qui, tout ça et un petit peu plus. On va essayer de dépasser un petit peu juste ce clivage qui est toujours un petit peu ridicule en animation. On va essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe au Gobelins. C'est quand même une école assez emblématique, hein. Moi, je connais des personnes qui sont prêtes à repasser 4 ou 5 fois le concours, qui même travaillent, qui sont dans une boîte, qui travaillent professionnellement dans une boîte, qui disent, c'est pas grave, je l'ai pas eu, mais je vais le retenter. Et puis, je l'aurai quand même un de ces jours, même si j'y vais pas, mais je l'aurai. Juste pour prouver que je suis assez bon. Donc, c'est vraiment une montagne comme ça, une espèce d'Everest, et c'est intéressant de voir, exactement ce qu'il en est. Donc, autour de la table, plein de monde. On va commencer par les deux personnes les plus importantes autour de la table. Hélène Beau, bonjour. Et Fredna Gorny, bonjour. Donc ça c'est vraiment, voilà, on a fait les profs, les gens qui sont importants. Ensuite on va faire l'ancien qui en est sorti et qui maintenant a fait plein de belles choses, Alexandre Eboyan. Bonjour. Qui va nous parler un peu des Gobelins et puis du parcours, de ce qu'on peut faire évidemment après les Gobelins. Et puis on a la chance d'avoir aussi plein de gens qui viennent ou juste de terminer ou qui sont en ce moment au Gobelins. On a, alors j'ai tous les noms, c'est évidemment Florentine qui a comme d'habitude organisé ça de manière extraordinaire. J'ai Vincent Vernier qui vient juste terminer, bonjour. Juliette Laurent qui est en deuxième année, bonjour. Et tu l'as déjà dit, Alexis. Oui, je sais, pardon. Adrien Grommel, qui est en première année, qui va nous expliquer aussi. Et Marthe Delaporte, qui est en première année. Voilà, Marthe Delaporte, première année, qui vient juste d'arriver. Merci. Et c'était pas prévu, Florentine. Ah, c'est comme ça, tu vois, des surprises. C'est incroyable, ça. Tu me fais coups comme ça. Mais oui, tu prendras ma place un jour, pas la peine d'essayer de... Et nous recevons aussi avec plaisir Inès Sedan, qu'est-ce qu'on dit ? Sedan, qui va nous présenter et l'homme qui dort, et puis une carte blanche à la maison de production Sacre Bleu Production, voilà, au Forum des Images, et bien sûr celle sans qui nous ne serons rien, Bulle de Rêve ne serait qu'une chimère, Florentine Grelier, qui, après on dit que je l'exploite, donc il faut que je la laisse parler. Après sur les blogs, on dit oui, tu te fais exploiter par Alexis, etc. Donc elle va nous faire son agenda et commence. Voilà, donc l'agenda qui sera jusqu'au 2 octobre, puisque ce sera notre prochaine émission, donc un peu mini-agenda. Donc pour les fans, vous pouvez commencer dès demain à aller en salle avec l'avant-première de En Promenade, qui est en fait un programme de court-métrage d'animation. de 6 courts-métrages dans lequel il y a le moineau qui ne sait pas siffler. Alors, Flochtelos, je pense qu'Alexis, ça te dira quelque chose. Eh oui, bien sûr. Voilà, donc en sélection à Annecy cette année. Qui était en sélection. Très mignon. Voilà, très très adorable. Mignon. Donc c'est plutôt un programme pour enfants, mais il y a de belles choses dedans. Et ça sera à 10h au Nouveau Latina, à l'occasion d'un ciné petit-déj. Donc on vous sert le petit-déjeuner avant la séance. Voilà, donc pourquoi pas demain. Demain, vous avez aussi la fin du festival Croc à Nîmes. Donc il y a un petit festival qui en est à sa 3e édition et qui regroupe des films d'étudiants, des films d'atelier, des films amateurs. Et c'est dans le 20e à Paris et vous pouvez avoir tout le programme sur crocanime.org. Voilà, ensuite, vous avez la carte manche à Sacrebleu Productions, mais on va peut-être en parler un peu plus avec Inès, tout à fait. Qui sera le 24 septembre à 20h au Forum des Images. Donc là, c'est plus les cartes blanches habituelles du Forum, c'est des programmes décadrage, donc parce qu'il n'y a plus en fait assez de spectateurs pour malheureusement faire tous les mois des séances d'animation. On va en parler. Donc dans les séances décadrage, maintenant, tous les mois, on aura des images contemporaines selon le programme. Et bon, ça commence quand même avec un peu d'animation, avec Sacrebleu Productions qui fait de la prise de vue réelle et de l'animation. Mais c'est quand même une occasion de découvrir donc L'homme qui dort d'Inès Sedan et Chaîne d'histoire de Serge Avedikian, que moi je n'ai toujours pas vu. Donc, Palme d'or au dernier festival. Voilà, c'est ça, du court-métrage. Voilà, donc toujours au Forum, vous avez aussi le premier long-métrage de Sunao Katabuchi, Princesse à l'été. Allez le voir absolument. Voilà, pour ceux qui ont découvert Katabuchi avec My Miracle. Pour ceux qui ne travaillent pas l'après-midi. Voilà, oui, donc c'est à 15h. Évidemment, je vous rappelle que l'animation est pour les enfants, alors, donc c'est mercredi. C'est le 29 septembre à 15h au Forum des Images. Voilà, jusqu'au 26 septembre, vous avez aussi l'exposition Shadok à Laïs-les-Roses, je ne sais pas comment on prononce. Laïs-les-Roses, voilà. C'est à la Maison du Patrimoine, l'entrée est libre. Voilà, donc vous tapez sur Google, il n'y a pas de site particulier, mais vous pouvez trouver plus d'infos dessus. Et on a bien sûr le programme du Studio des Ursulines, qui est le seul cinéma à Paris à passer de l'animation non-stop tous les mois, toutes les semaines. Donc si vous avez besoin de voir de l'anime, voilà, tapez Studio des Ursulines sur Google et vous trouverez des séances. Il y a notamment l'Enfance de l'art qui montre leur programme pendant toute la semaine. Et ça, c'est sur Paris. Et un peu exceptionnellement, parce que c'est vrai que c'est souvent sur Paris qu'il y a un peu de l'animation. Là, il y a quand même le festival Voix d'Étoiles à Port-le-Cat, c'est dans le sud, qui est le seul festival qui est axé sur les voix et l'habillage sonore du cinéma d'animation. Donc très particulier, avec des performances vocales, du bruitage en direct, de la bande-son en direct, enfin plein de choses autour des voix et tout ce qui est musical, mais autour du cinéma d'animation. Donc très particulier, du 27 au 30 octobre à Port-le-Cat, pour ceux qui sont dans le sud, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'est pour les projections. Et bon, pour ceux qui ne peuvent pas sortir, il y a toujours Internet, bien sûr. Donc, je vais donner quelques... Juste au passage, il faudra que tu redonnes. Évidemment, si on donne des choses sur Paris, c'est parce qu'on reçoit ou nous, on est à Paris. Bien évidemment, il y a un mail, Florentine le leur donnera. Si jamais vous l'envoyez, comme vous savez que vous entendez évidemment Radio Libertaire, c'est avant tout à Paris, mais ensuite... En podcast dans toute la France. L'émission est en podcast et qu'on peut, heureusement, grâce à Internet aujourd'hui, il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent là en ce moment même. Il quand même fait des grands signes. Donc, en effet, qui écoutent grâce à Internet aujourd'hui, un peu partout en France. Il est évident que si on peut donner à droite, à gauche, d'autres un peu partout, Lille est une grande ville d'animation, il y a plein de choses qui se passent. C'est vrai que généralement, donc, on a tendance surtout pas à nous envoyer, on donnerait. À avoir donnerait la com' sur ce qui se passe sur Paris, mais si vous avez des choses à nous. Il y a plein de choses qui se passent ailleurs qu'à Paris, il n'y a pas que Paris. C'est pour ça un peu. Donc, je donne ce qu'on peut voir en ligne de partout en France. Donc, il y a par exemple la dernière émission de Pour-Circuit sur Arte qui était consacrée à Food Anime, si vous l'avez raté. Donc, c'est l'occasion de découvrir Cédric Villain et Jean-Pierre Deneuve, donc les créateurs de Food Anime, dans un portrait, interview. Et sinon, sur arte.tv, vous pouvez retrouver aussi énormément de courts-métrages et toutes les émissions de court-circuit sur Arte qui sont en ligne. Donc, et hier, il y avait la je ne sais plus combien tième, et donc vous avez la possibilité de voir Chienne de vie, Au Moreau, enfin il y a toute une soirée et qui était aussi en direct streaming, et vous pouvez les revoir maintenant. Donc il y a 4 ou 5 courts-métrages d'animation qui sont montrés. Voilà, je voulais dire aussi pour ceux qui avaient raté l'exposition Kenridge à Paris, que donc il y a des vidéos, enfin en tout cas il y a pas mal de ces films qui sont visibles sur Internet et il y a des vidéos, des interviews et des choses qui ont été faites autour de l'exposition qui sont très intéressantes à voir, enfin exposition très très belle. Voilà. Et voilà, il y a bien sûr les films des Gobelins en ligne. Bon là, je pense qu'on en parlera avec nos invités tout à l'heure. Et juste un dernier mot pour à la télévision, pour ceux qui ont nos lives, il y a les émissions donc de Marc Tsuka Hagues qui ont recommencé le 8 septembre, qui sont tous les 15 jours vers 19h et dans lequel pendant 10-15 minutes, il parle d'animation, il monte des courts-métrages et c'est la seule émission télé qui parle vraiment que de cinéma d'animation, donc c'est à noter. Voilà. Avant, puisque tu parlais, avant de faire une très légère pause musicale pour prendre un peu son souffle, et avant de parler avec Inès de l'homme qui dort et la carte bleue, en effet... carte blanche, la carte à sacre bleu. Blanche, à sacre bleu. C'est ça. C'est mieux une carte bleue, une carte blanche. On sortira peut-être notre carte bleue pour payer. Mais oui. Ah, j'ai pas pensé à payer, tu vois, dessus, tu me ramènes à ça. Moi, j'étais mais dans un côté poétique. Bon. Ça doit être 5 euros. Uh-huh. Donc, non, alors, juste, il faut. J'ai déjà dit ça récemment sur The Web Anime, j'en ai parlé un petit peu partout. En effet, il faut savoir que le Forum des images, les rendez-vous d'animation sont finis. Il va y avoir l'événement majeur de cette fin d'année qui va se passer à Paris en animation, qui est l'avenue de Jan Schwankmeyer. Je vous en parle souvent ici, mais au Forum des images, qui est un peu, évidemment, le grand événement. Il commence à être âgé. Il vient, il va présenter son dernier long métrage, qui malheureusement, tous les longs métrages de Schwankmeyer ne sortent jamais en salle, donc ça vaut vraiment le coup. Et on va voir Faust, qui est très rare à voir. Évidemment Alice, bon, mais ça on le voit un peu plus facilement, plus tous ces courts-métrages qui ne sont quasiment jamais vus sur grand écran, sauf possibilité du dialogue bien évidemment, qui est son chef-d'œuvre en tout cas, qui est son film le plus connu, mais donc il faut voilà, aller voir. Les rendez-vous d'animation sont plus ou moins arrêtés, l'animation va bien, on sait bien, il y a plein de gens qui ont envie de faire de l'animation, on va le voir autour de cette table, mais l'animation... si les gens de l'animation eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'il faut absolument aller en salle voir ces films aussi, ça va être difficile, les rendez-vous s'arrêtent, parce que tout simplement l'année dernière, il y avait des fois 20 personnes dans une salle. Pour la dernière séance qui était consacrée à Andrea Cicade, il y avait oui, on était une trentaine quoi, c'était très peu. Ah donc c'est même plus que très peu quand on sait qu'il faut les faire venir, etc. L'animathèque, il y a souvent 15 personnes qui sont souvent les mêmes, je suis gentil. Soyons clairs, évidemment, c'est juste que si on ne va pas voir ces séances, elles vont finir par s'arrêter. Et parce que tout simplement derrière, les gens, ben, les directeurs de salle, malheureusement, on est là-dedans, disent ben, l'animation, ça amène 15 personnes en salle, ben, ça ne sert à rien. Alors évidemment, quand on amène les frères Coué ou Schwankmeyer, on espère Schwankmeyer, on croise les doigts, il y a du monde. Il est évident que si Miyazaki ou Richard Williams devaient se déplacer, ou Nordenstein devait se déplacer, on aurait du monde. Mais il faut, par exemple, qu'à la séance de Sacre Bleu, c'est souvent pas très cher, il y ait du monde. Je dis pas ça pour faire de l'art-tab, c'est juste parce que je trouve ça dommage que... certaines salles essayent comme ça de se bouger un petit peu et que, ben, comme il n'y a personne, ça s'arrête. Et après, on va juste être surpris parce que d'un seul coup, on va se dire, ben, il n'y a plus rien. Et l'agenda de Florentine va diminuer petit à petit et on va dire, il n'y a rien sauf dans les festivals. Donc, foncez, allez en salle. Pas tout le temps, on a une chance, on a beaucoup de choses qui sont mises, mais c'est important aussi parce que, vous savez, après, dans des séances comme, dans des expositions comme celle de Kentridge, l'animation n'est pas appelée animation parce que ça fait mauvais genre d'appeler animation, ça fait dessin animé. Et Kentridge lui-même dit qu'il fait des films. Je sais plus quel était son terme, mais et même dans les présentations, on parle pas de films d'animation. On dit bien, on fait oui, ou alors mieux. Le début commence en disant Kentridge s'est fait connaître par des petits films d'animation dans le monde avant de faire des choses un peu plus sérieuses, de l'art contemporain, enfin des choses et des petits films d'animation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que sont les gros films, les grands films, les petits films d'animation. Donc c'est vrai qu'on a encore des beaucoup. On se bat, et même si on dit encore, les gens disent plus dessin animé, mais animation, il faut se battre par rapport à ça. Voilà, c'était un peu long, je suis désolé, mais c'était juste un petit coup de gueule pour dire qu'il faut aller en salle et il faut défendre ben, ce qu'on aime, et qui est le cinéma image par image. On fait une pause très rapide, vous allez voir. On continue donc avec, dans l'univers avec un extrait, cette fois-ci, le thème de Mima. Et vous avez compris que on est sur un morceau de Perfect Blue, qui est donc le premier long métrage de Kon Satoshi. On écoute ça dure 2 minutes et on revient avec Inès. Thank you. Voilà, vous êtes donc bien sur Bulle d'Oreille, parce que je suis même pas sûr d'avoir dit non. Si, j'ai dit non tout à l'heure. Vous êtes bien à Bulle d'Oreille, donc l'émission 100% animation pendant 2 heures sur Radio Libertaire uniquement. Et donc on entendait donc Perfect Blue avant, qui est de Musahiro Ikumi, si je dis pas de bêtises, Masahiro Ikumi, n'importe quoi, j'écris très mal. Et juste après, on avait juste le début de L'Homme qui dort. La musique est de qui? C'est Robert Marcel Lepage, c'est un Canadien. Canadien, parce que le film est en coproduction avec l'ONF. Donc L'Homme qui dort, alors c'est drôle parce que des fois, le monde de l'animation est vraiment petit. Hein. Et y a des fois, il y a des noms qui arrivent et on se dit, mais qui c'est celle-là, qui c'est celui-là. Donc on a eu Franck Dion il y a quelques années, on était tous comme... L'inventeur fantôme était en sélection, on se dit, mais qui c'est, il vient de nulle part, il n'a pas fait une école, il a droit. Et d'un seul coup, on voit L'Homme qui dort, Inès, et on se dit, mais... Elle vient d'où? Elle vient d'où? Donc Inès, tu viens d'où? À part avec ce superbe accent... Argentin. Déjà, voilà, donc, argentin. Voilà, je viens d'Argentine. Bon, j'habite en France depuis 10 ans. Donc, L'Homme qui dort, on m'a dit que c'est mon premier court-métrage comme professionnel. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une coproduction entre la France, avec Sacré Bleu Productions, et l'ONF au Canada, et une autre boîte canadienne qui s'appelle l'Unité Centrale. Donc, plein de producteurs sur mon film. Comment ça se passe? Juste, t'envoies le scénar et puis non, en fait, tout tombe? Tout ça, ça a commencé, mais je pense qu'il faut le dire parce que c'est intéressant. En fait, j'avais envoyé les projets au concours de projets ainsi. Et mon projet, il n'a pas eu de prix, mais dans les jurys des projets, il était bon, justement Ronda Jens, Hélène Bessière d'Arte. Et bon, voilà, je ne sais pas s'il y avait des gens de l'ONF ou de l'autre boîte de production canadienne qui est aussi intéressé sur mon projet. Donc il faut vraiment pousser les gens à envoyer à Annecy au concours de projet, même sans avoir de prix, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc Ron vient te voir et te dit, on n'a pas donné de prix, mais... Pas tout à fait comme ça. En fait, j'étais dans un moment de crise, donc je cherchais un travail... urgent. Donc, j'ai envoyé des candidatures spontanées partout. Dans une boîte, c'était justement Sacré Bleu Production. J'ai une réponse de Ron qui me disait, bon, on n'a pas de travail pour toi, mais par contre, je suis hyper intéressée sur ton projet de cet homme qu'il dort tout le temps. Donc, voilà, et ça a commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça. Voilà. T'as trouvé un boulot quand même entre-temps ou pour... Non, mais j'étais hyper contente. C'était vraiment un autre univers que ça commençait pour moi, donc voilà, c'était super. Donc comment ça se passe? Tu envoies et là il te dit de suite, bon, je rentre en coproduction dessus ou non, c'est toi qui dois trouver? Non, c'était comment... assez long toute la préparation, ouais. Ça durait presque un an de pré-production en fait. Hein. Donc j'ai rencontré Ron, Aurélia, de Sacré Bleu Production, on a parlé beaucoup sur l'histoire... des petites modifications. Après c'était l'investisseur d'Arte qui était aussi intéressé sur les projets. Après, bon, on dit, bon, peut-être on va essayer de faire la coproduction avec l'ONF. Donc, on s'est rencontré avec tous les gens à l'ONF au Festival d'Annecy aussi. Et voilà, et après, une fois qu'on a eu l'OK, mais ça, c'était presque la fin d'année 2008. Et 2007 oui. Et 2008, on commence avec la réalisation de ce projet-là. Et le concours de projet, tu te rappelles, c'était quand? C'était pour l'Annecy 2006 ou 2007? 2007. Donc 2007, on a une grande année, on va dire, où pré-production, exact. Où tu retravailles le scénario. Oui. Et l'investisseur est quelqu'un qui travaille énormément sur les scénarios, hein, qui prend beaucoup de temps à regarder, des fois pour le bien, des fois pour... c'est un peu plus compliqué. Non, mais c'était très bien. Bah, c'était intense, mais c'était hyper intéressant. Et voilà, moi, je suis vraiment très contente de ces résultats-là. C'était une super expérience pour moi, parce que bon, j'ai travaillé, bon, aussi, toute la partie animation, c'était fait dans le studio de Serge Lissal, à Angoulême, le studio Les Trois Sources. Mm-hmm. Donc, bon, c'est aussi, bon, ça c'est la partie animation, la partie couleur, c'était à l'ONF au Canada, la musique et toute la post-production. Donc, voilà, j'ai connu plein de chance, c'est une équipe énorme, des fois un petit peu difficile à gérer. Ouais. Mais bon, voilà, c'était une super expérience, incroyable en fait. Donc juste pour ceux qui sont devant leur ordinateur, vous tapez l'homme qui dort. Je sais que Nicolas fait ça à chaque fois, en plus, donc c'est bien. Sinon, l'homme qui dort, Inès Sedan, donc S-E-D-A-N. Vous allez voir un peu vous avez au moins une minute où vous avez une petite bande-annonce sur YouTube et sur l'ONF, sur le site de l'ONF. Vous avez la première minute, en fait, du film pour vous donner un petit peu une ambiance. Donc, tu te lances dans cette histoire. C'est toi, le graphisme est toi. Oui, exact. Tous les graphismes, c'est moi. Donc, je fais aussi tous les backgrounds et quelques parties d'animation, qui c'est la plus complexe. Sinon, je lègue toute l'animation au studio Angoulême. Ouais, c'est ça. j'ai pas trop. C'est toujours compliqué parce que c'est vrai que quand on sait que la plupart des gens n'ont pas forcément vu le film, c'est un peu compliqué. C'est une histoire. C'est vraiment une histoire pas qu'on peut raconter qu'en animation. J'aime pas ce genre de choses. En prise de vue, on pourrait le faire aussi, mais qui raconte quand même une histoire de deuil, on peut le dire. En tout cas, voilà, pour pas en trop en dire. J'en ai même trop dit, je suis désolé. Mais par rapport au film, et. Dans un laps de temps assez court comme ça, quand je dis qu'il n'y a qu'en animation, c'est que ce symbolisme comme ça, ce symbole peut être est très fort quand il est en animation. On se rappelle, il y a des très grands films sur le deuil comme Père et Fille, enfin, etc. Il y a pas mal de choses. Ouais. Est-ce que c'est une histoire qui t'est... Qu'est-ce que tu me dis que tu as eu besoin de la retravailler beaucoup et pourtant, on a l'impression que c'est très fluide à l'intérieur de comment dire, le film est très fluide en lui-même. C'est-à-dire qu'on... Dans la narrative. Oui, tout à fait. Tu l'as lancé d'abord par ton scénar, c'est une idée que tu as eue en premier, c'est d'abord sous forme de storyboard. Comment ça s'est passé là? Ouais, en fait, moi, j'écris pas beaucoup, donc ça commence toujours par des images. Donc j'ai eu d'abord l'image de ces femmes, le personnage principal du film, qui portait une grande masse d'hommes inertes sur son dos. Donc je disais, j'ai commencé à réfléchir sur cette image, moi je la dessinais. Je commençais à créer une histoire, donc qu'est-ce qu'il fait? Il dort, il est mort, donc voilà, l'histoire s'est commencée à développer comme ça. Donc, Et ensuite, qu'est-ce qui, en quoi des gens de l'extérieur comme Maron, comme Hélène Vessière ramènent quelque chose au scénario? C'est dans quoi? C'est dans peut-être une compréhension un peu plus facile? Comment non, ça se passe? Justement, moi je commence avec des images, donc des fois, mais c'est bon, il manque un petit peu, tu vois, de rythme, il faut ajuster ça, mais ce n'était pas des grosses modifications, ils ne sont pas, tu vois, mon idée, en fait, mon idée, là, c'était ça. C'est vrai que, je parle de deuil, il y a aussi une espèce de relation de couple aussi, c'est une histoire assez ouverte, donc... Ça, c'est bon. Donc, tu vois, c'est des petits ajustements pour vraiment avoir une vraie histoire que ça marche bien, en fait. Plus de rythme, voilà. Oui, parce qu'on peut imaginer juste que c'est... Enfin, encore une fois, c'est difficile de s'entendre en dire que ce couple, il n'est pas forcément... Enfin, juste, en effet, c'est un couple qui commence à aller vers la fin, on va dire, et qu'elle a envie de se sortir de cette relation. Voilà. Et c'est pas forcément... donc, c'est vrai qu'il y a cette ouverture avec ce troisième personnage qui a... incarner un peu plus la liberté, on va dire. Exactement. Quand on a un court-métrage comme ça, je me fais l'avocat du diable, je sais très bien comment ça se passe, mais qu'est-ce qu'on attend par la suite? Voilà, tu finis ton court-métrage. D'accord. Donc tu dors pendant 6 mois après les 2 ans de 3 ans. Et après dormir, tu t'attends quand même parce que le film marche plutôt bien, il est dans pas mal de festivals. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il a eu plein de prix, il est sélectionné dans plein de festivals, et voilà, maintenant je voyage beaucoup. Mais je pense que le plus que moi j'attends, tu vois, c'est la réaction du public, tu vois, parce que ça c'est la fin. On fait le court-métrage, mais on finit vraiment avec les spectateurs. C'est ça vraiment la fin. Donc avoir les commentaires des spectateurs, les réactions positives ou négatives, non? Ça c'est hyper intéressant. Des fois j'adore être dans la salle et voir les réactions. Voilà, comme ça c'est la vraie fin du film, en fait, je pense. J'adore la radio, mais c'est vrai que des fois c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite caméra parce que vous avez et Florentine et Alexandre qui font des grands oui de la tête. Et oui, c'est tellement important. Ouais, Alexandre, tu te rappelles Mais tu sais, moi, il y a un truc que j'adore faire, que j'ai beaucoup fait pour la migration Bigouden, c'est que je me mets au premier rang Et le film, on l'a vu 12 000 fois, on le connaît par cœur, tu vois. Mmh. Et je regarde les spectateurs. Je regarde pas l'écran, je regarde les spectateurs. Et tu vois ton film à travers le regard des spectateurs. Exact. Et ça, c'est génial. Magnifique. Et quand tu les vois rire, tu les vois faire des grands yeux au moment où toi, tu l'as créé, tu l'as pensé comme tel. C'est fabuleux. C'est le plaisir de toutes ces années. En plus, en animation, on sait que c'est moi. Bah voilà, c'est ça. Qui c'est beaucoup de travail passé dans le laboratoire à créer son œuvre. Et quand ça sort comme ça, ça a sa vie propre. Exactement. Et on maîtrise pas du tout ça. Donc, c'est vraiment beau de voir ça se développer, puis aller parcourir les festivals. Et... Ça aussi, ça, en anime, c'est vrai que c'est agréable parce qu'il n'y a pas tellement, finalement, des fois de... Enfin, à part les festivals, c'est souvent un peu compliqué de montrer son film. Maintenant, il y a Internet, mais comme tu dis, il n'y a pas les spectateurs. Le problème d'Internet, on a des réactions, mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà. Il y a les yeux dans le vague de Florentine, tu voulais dire quelque chose? Elle est là et elle pense à son dernier festival qu'elle vient... Non, moi, au contraire, j'ai un peu de mal à être dans la... C'est vrai. J'ai l'impression d'être connectée à tous les spectateurs et dès qu'il y a un soupir ou je le ressens en dix fois pire, c'est beaucoup d'émotions. Bon, moi, c'est un peu douloureux. Voilà, ils ont l'air d'être plus épanouis autour de moi. Non, ce qui est drôle, parce que on a eu Sarah Vandenboom, oui, Sarah, donc, qui est Novecento, et la femme squelette, et qui disait que pendant la femme squelette à Annecy, elle a fermé les yeux pendant tout le long de la projection, et que pour elle, c'était une angoisse absolument totale, et qu'elle elle a vraiment du mal. Donc, bon, c'est intéressant de voir les différences. Qu'est-ce que... donc, le film marche bien. On a Sacre Bleu, qui est quand même une mode de production qui fonctionne plutôt pas trop mal. Ça fait pas longtemps qu'ils se sont mis. Ron est déjà venu ici, qu'ils se sont mis dans l'animation. Palme d'Or, Madagascar, on n'en parle même pas. Il obtient... il faudrait juste savoir quel prix il n'obtient pas. c'est la seule chose qu'il faudrait savoir. Le tien, j'ai vu quand même la page ONF. Il y a quand même pas mal de prix aussi qui commencent petit à petit. Est-ce que de suite, tu as un deuxième projet avec... Sans dire trop, est-ce qu'après avoir dormi, après avoir la montré en festival, on repart sur un autre projet de suite ou... Oui, en fait, j'ai déjà commencé, oui. En fait, mon idée, c'est de me lancer maintenant dans la peinture sur verre, donc voilà. Waouh. Je sais plus, voilà. Donc un autre... projet de folie. Mais bon, oui. Est-ce que, encore une fois, c'est des questions qui sont un peu, mais est-ce que quand on fait un premier film... Donc professionnel, on va dire. Dès le deuxième, on a quand même un petit truc dans notre tête en disant « Putain, ça, faut que je fasse attention. Ça, je refais plus la même chose. Ça, je m'occupe du son 6 mois. Toi, tu t'occupes. Mais en tout cas, je m'occupe de ça 6 mois à l'avance. Ou est-ce que ça nous permet de bien... Il faut arriver vraiment à se détacher de premier film. En fait, moi, j'ai eu l'idée de 3 projets. Donc, le premier projet, c'était comme une espèce de... pour moi, non, une espèce de copie de l'Onkida. Donc voilà, j'ai dit non, ça marche pas. Mais bon, il faut pas s'arrêter de dessiner, de lancer des images, de bon, voilà, écrire, bah. Et d'un jour à l'autre, l'idée, il est sorti. Donc, il commence à apparaître petit à petit, et vous dites, oui, ça marche. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment une autre entité, vraiment à part que l'homme qui dort. C'est toujours mon style graphique. Mais voilà, ce film, c'est bien noir et blanc, on va dire. Maintenant, je vais me lancer avec les couleurs, un autre style de peinture, voilà, d'animation et tout ça. Bon, donc, tu reviendras nous en parler à ce moment-là. Enfin, on a le temps, je veux dire. On sait que l'animation, c'est souvent un petit peu long, donc, mais tu reviendras et ça sera un vrai plaisir. Oui. La carte blanche. Le Sacre Bleu Production, c'est le 24 septembre au Forum des Images à 20h. C'est. Je crois que c'est 4 ou 5 euros. C'est 5 euros. 5 euros. Et il va y avoir plein de films. C'est plein de la pub. Voilà, non, mais il faut, on est là aussi. Donc, il ne va pas avoir seulement mon film, L'Homme qui dort, mais sinon, je connais seulement les films. Il y a les films de fiction, mais je connais surtout les autres d'animation, comme Chien d'Histoire, Nouveau Le Mans, qui est un super court-métrage de Simone Massi, que j'adore vraiment. Bon, Madagascar, voilà les miens aussi. Donc voilà, on a 4 et 4 choses différentes. Et ce qui est fabuleux en animation, allez, je refais un peu de... ce qui est fabuleux en animation, c'est que même les films qu'on n'aime pas sont super intéressants. Il y a toujours quelque chose à voir. Donc, dans les 4 films, là, il y en a un, par exemple, que j'aime pas du tout dans ces 4 films. Vraiment, que j'aime vraiment pas du tout, qui a pourtant eu la Palme d'Or. Oh, pardon. mais vraiment, c'est fou, ce film. Mais il est quand même super intéressant. Parce que justement, il essaye de faire autre chose en animation et qu'aujourd'hui, l'animation a vraiment besoin aussi de sortir un petit peu de certains carcans et c'est absolument passionnant. Et on parlait tout à l'heure, parce qu'on se voit souvent un petit peu avant, je vous dis tout, vous savez, avant, on boit un verre, etc. On disait que l'animation, avec Fred, que c'était un métier de passion avant tout. et d'obsession. Oui, hein. Oui, là, c'est clairement un métier de passion, d'envie. Mais d'ailleurs, ce qui vient d'être dit là est assez remarquable parce que on voit bien, hein, on fait un film dans une technique, Inès, ouais. Là, elle a envie d'explorer une autre technique, quoi. Et en fait, ça sera toujours sa vision des choses, ce qu'elle a envie d'exprimer, quoi. Mm. Mais en fait, elle va se renouveler aussi par le différentes approches, à la fois techniques, mais il est probable. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la technique elle permet d'avoir des modifications, des approches différentes au niveau du scénario aussi. Tout est imbriqué. Et en fait, en animation, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on a cette espèce de liberté. Dès qu'on explore un peu, on change une donnée dans la fabrication, dans la marmite, au niveau de la recette, et ça influe sur tout le reste. Ouais. Le goût change complètement et c'est assez extraordinaire. Probablement beaucoup plus que, à mon avis, les autres moyens d'expression, qui sont super aussi. Hein. Sauf qu'il faut se méfier de la liberté. Des fois, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est vrai que oui, c'est difficile, mais. C'est vrai qu'il faut prendre le temps. En fait, les gens d'animation, normalement, ce sont des gens qui prennent le temps. Ils savent que c'est long, hein, par nature. Hein. Ouais. Et donc, le fait de prendre le temps, de mûrir les choses, on décante et puis on fait un film. Il faut arriver à. On est un peu sonné après. Il y a un vide, en fait. Il y a une sorte. Comme une dépression, un peu. Hein. On a investi énormément. Et puis on se retrouve sans rien derrière, quoi. Et là, on se remet. Il faut du temps pour se remettre à revivre. Et après, on réinvestit à nouveau son imaginaire. On essaye de le porter à l'écran. C'est assez extraordinaire comme mécanisme. Et là, c'est Vincent qui regarde la table qui va être fait. Oui, en effet, c'est compliqué. Comme que tout le monde comprend bien et relié par rapport à ça, en effet. Mais c'est peut-être d'ailleurs une chose complexe en animation, c'est que la société, elle, veut que les choses aillent très vite. Ah oui, c'est le problème. Et donc, le système de production de l'animation a du mal à rentrer en contexte avec... Oui, c'est un vrai souci. Non, mais donc, il y a vraiment plusieurs vitesses, en fait. Hein. Il y a les gens qui mûrissent de l'intérieur et qui prennent le temps de présenter quelque chose, un climat particulier, une vision du monde personnel, en fait. Et puis, il faut aller vite aussi. Il y a l'industrie et... tout existe, enfin les deux extrêmes existent, c'est un secteur avec vraiment des extrêmes, quoi. Et donc pour aller vite, on réunit des gens et puis il y a de l'autocensure, on se fait des brainstorming, et puis on répond aux besoins du marché, quoi. Donc tout existe en fait, et c'est pour ça que le secteur est assez formidable, je crois. D'où l'importance c'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette phrase de Ken Satoshi aussi, qui disait que souvent c'était les mêmes personnes qui disaient que l'animation avait un potentiel sans bornes, mais qu'une même personne qui est souvent le producteur dira mais ça convient pas pour l'animation, et qu'en fait c'est aussi au créateur, et que la profession va toujours, en tout cas la profession de production, là, de long métrage, va souvent imposer des limites, et que c'est au créateur essayer d'un peu de tenter, hein, avec toutes les difficultés qu'on connaît, de sortir de ces limites. Ouais, on voit l'importance du court métrage en fait, en particulier parce que c'est ce qui renouvelle le genre en fait. Il est clair que c'est le court métrage qui insuffle un sang neuf. L'industrie ne fait que récupérer les créations un peu exceptionnelles d'individus particuliers et de les récupérer, de les mettre un peu à la moulinette, on va dire, de l'industrie pour les donner au plus grand nombre. C'est pas négatif d'ailleurs comme. Il y a que dans l'animation, c'est la série qui plus d'argent, on va dire, qui permet à faire des longs métrages, qui permet aussi à avoir des courts métrages. Enfin, c'est tout un. Donc évidemment, ce qu'on peut regretter probablement par rapport aux courts métrages, c'est, je pense que c'est les réactions. On a parlé des réactions du public là tout à l'heure. Hein. Oui. Typiquement, quand on est auteur, quand on a fait un film, quand on est dans la salle. On est souvent très surpris de la réaction du public. Enfin, en tout cas, moi, quand ça m'est arrivé, j'étais stupéfié. Je m'y attendais pas du tout, quoi. Et je pensais, il y a des choses qu'on prévoit qui ne sont pas perçues, et des choses qu'on n'avait même pas imaginé que ça puisse intéresser quelqu'un. Mmh. On a une réaction du public étonnante qui accroche à. Et alors, c'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est un guide vraiment le public. C'est le public qui doit guider. Enfin, on voit bien, quand on a une relation directe sur une scène et qu'on est acteur, la réaction du public, on l'a directe. C'est immédiat. Et tout de suite, on peut rectifier le tir. Dès qu'il y a un blanc, il y a un trou, on renchaîne tout de suite. Et puis, quand le public se met à mordre ou à rire ou à un moment d'émotion, on le sent, on ralentit un peu. Hein. Et on a juste tout de suite. Là, en animation, on a beaucoup de mal parce que, et en cinéma, on a beaucoup de mal, c'est différé. C'est pas en direct. Ouais. C'est pas en direct. Donc, en fait, le problème du court-métrage, c'est d'être vu, mais être vu, pour l'auteur. C'est l'auteur qu'on a besoin de ce retour. Mmh. Parce que c'est un vrai guide. Mmh. Quand on voit ce qui a marché sur le public, auquel on s'attendait pas, on se dit, mais, oh, ça, ça marche bien. Pour le suivant, je vais intégrer ça. Et on peut réellement aller dans le sens que le public a perçu de soi. Sauf qu'après, il y a beaucoup de public parce que Florentine, par exemple, ouais. Toi, à Angers, alors qu'on t'avait tous dit, donc, après Roux, ah oui, ta voix, oui. La voix off, elle est pas géniale, on n'est pas finalement un spectateur, raconte. Et... Oui, en effet, il y a un spectateur qui est venu me dire que s'il avait beaucoup, beaucoup aimé les voix, et je connais quelqu'un d'autre, bah, pour le coup, Marc Aguès, qui a trouvé que mes voix étaient très bien comme ça, qu'elles étaient naturelles, que ça faisait bien. Alors c'est des exceptions, c'est vrai que la majorité. Oui, mais quand même. Heureusement, il y a beaucoup de public et c'est oui, ça qui est fabuleux. Oui, c'est vrai. Donc c'est compliqué. Là, c'est compliqué, mais justement, moi je pense que c'est pas l'avis du public qu'il faut recueillir, c'est la réaction du public dans la salle. C'est ça qui compte. C'est la qualité des silences, la qualité des rires, on sent vraiment quand l'émotion passe. Et c'est là où il faut, à mon avis, il faut prendre des notes quand on est auteur, quoi. Là, il faut noter tout de suite, quoi. Vous avez noté? Ouais, Alexandre. Ouais. Moi, j'étais très étonné de voir comment il peut y avoir des différences culturelles dans les publics. Oui, oui. Ah oui. Par exemple, tout à fait. Notre court-métrage de fin d'études, donc au début, on a le porté en France. Et on est allé en Angleterre faire un festival, et là d'un coup les gens ils se mettaient à rigoler à des endroits où c'était pas du tout. Voilà. Ils étaient morts de rire, quoi. Ouais. Et toute la salle, tu vois. On se regardait, genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment étrange, c'était vraiment un moment vraiment étrange. Et je pense qu'en fonction de chaque public, on peut avoir comme ça des réactions différentes, et on apprend donc beaucoup de ce public. Ouais, on apprend beaucoup. Donc il faut que les films soient vus. C'est là où on a le problème, hein, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est ça qui est compliqué, bien sûr. Ouais. C'est ça qui est compliqué. En fait, souvent ils sont vus en festival. Où ils sont vus sur le net, mais on n'a pas le retour. Ouais. En festival, on a un retour, mais souvent d'un public, j'allais dire conquis, enfin un public spécialisé. Ou en tout cas spécialisé. Souvent, il n'est pas là. Bon, ouais. Non, il y a beaucoup de gens qui s'endorment, parfois même à Annecy, ça existe. Oui, c'est vrai. On peut le dire. Oui, non, en fait, l'idée de conquis, je pense que c'était plutôt les dire qu'en effet, que c'est... c'est ce qui est fabuleux avec Angers, par exemple, avec des festivals qui ne passent pas que de l'animation, c'est qu'on a des gens qui voient trois films d'animation dans l'année et qui, donc, d'un seul coup, sont touchés peut-être par des choses qui nous paraissent évidentes ou pas évidentes, et puis d'un seul coup, de se dire, ah ben, tiens, là, j'y avais pas pensé, justement, je pensais que techniquement, ça fonctionnait ou pas, et que finalement, ça fonctionne sur heureusement, des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas, eux, soi-disant, ces clés... qu'on peut avoir, quoi. Non, mais le retour est indispensable. Le retour du public est indispensable. Il faut que les films soient vus, il faut qu'ils soient projetés en salle, quoi. Ah, Florentine me dit le micro, parce qu'elle fait plein de gestes. Hein, faut savoir, on c'est a 5 qui... micros pour 10, donc... faut toujours bouger. Elle a raison, et donc voilà. Inès, t'es évidemment la bienvenue pour rester. Est-ce qu'il y a un mot qu'on n'a pas dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Des fois, je fais mes questions, je me dis, ça se trouve, il y a quelque chose qu'elle veut absolument dire, j'ai pas dit non. Je sais pas. Tu réfléchis, et si jamais il y a quelque chose, évidemment tu rêves, puis si tu as des choses à d'accord. dire, c'est avec plaisir. On va faire, avant d'entamer donc le gros morceau des gobelins, on va faire une petite, alors là beaucoup plus rapide, comme d'habitude, on va écouter la quatrième et la cinquième piste, toujours comme ça je le dis en direct, et là on va écouter pour moi donc un extrait de Chocotème. Alors là on est sur Hirasawa Suzumu, qui est le créateur musical qu'a utilisé le plus souvent Ken Satoshi pour mon film préféré de Ken Satoshi, qui est Millennium Actress, qui mélange, Ken Satoshi a toujours mélangé entre la réalité, la fiction. Alors là, on est complètement dans la passion du cinéma, et pour les gens qui sont passionnés de cinéma, c'est un très beau film. C'est qu'est-ce qu'est notre propre vie, qu'est-ce qu'est la vie du cinéma, et c'est une actrice qui va mélanger en fait sa propre vie avec sa vie d'actrice et les films qu'elle tourne, et tout ça va se mélanger dans une espèce de maelstrom comme ça, où on va jamais savoir complètement où elle en est exactement. C'est un film qui est d'une pure merveille, malheureusement sorti en France uniquement DVD, parce que évidemment il n'y a pas beaucoup de courage des fois chez certains éditeurs. Si je dis ça, c'est pas sur les petits, c'est que là je crois Millennium, Tokyo Godfather qui est sorti chez Sony, et Millennium qui doit être peut-être chez Sony aussi, enfin bon, ils l'ont jamais sorti, c'est édité en DVD. Par contre on a de la chance pour Ken Satoshi, donc n'hésitez pas à le voir. Donc on va écouter un extrait très rapide de Millennium Actress plus un petit quelque chose en plus juste après, on écoute. t'es bien installé? Ouais. Bon, alors on va y aller là. Ouais, ouais, attends, juste deux minutes, j'arrange le micro. Parce que je suis prêt. Hein. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon. Alors, ça se passe bien à l'école? Ouais. Tu t'amuses bien? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'école? Bah, c'est midi. C'est le? Le midi. Ah, le midi? Pourquoi? Parce que je peux mettre à manger dans mes... Et c'est bon ce que t'as mangé aujourd'hui? Ouais, ouais, c'était viande au jus et purée. Par contre, ce que t'aimes pas, c'est l'épinard et quand ils laissent les petits cailloux dans le poisson. Bah, tout le monde en fout, les cailloux dans le poisson. C'est normal puisqu'ils s'en servent pour chasser. Qui ça? Bah, les piranhas. Les piranhas. Tu connais pas comme poisson? C'est des petits poissons qui habitent à l'autre bout de l'Afrique et qui prennent des cailloux au fond de l'eau pour chasser. C'est un des animaux les plus dangereux de la mer. Voilà, donc Bulle de rêve, l'émission sur le cinéma d'animation. Et on a entendu un petit medley de trois films. Donc on a entendu « Ah, tu connais pas les Piranhas ?» Voilà, c'est mon film, j'adore. Quel Lionel. Alors, c'est ça le problème à chaque fois, c'est que j'ai noté tous les noms, mais vous êtes 28 à chaque fois à faire les films. Donc, ouais. donc j'ai tout. Donc je vais quand même le dire. Il y a Gabriel Gelado, Mehdi Lefad, Anthony Ménard. Alors j'écris tellement mal. Et Mathieu Poinet. Poiret. Ah, mon R et mon N, terrible. Ensuite, on a La Migration Bigouden, Eric Castin, Tafa Togora et Alexandre. Fafa. Pourtant, je l'ai bien mis. Hein. Un F, pourquoi t'as dit un T? Je sais pas. Fafa Togora et Alexandre Eboyan qui est avec nous. Et le gardien de phare. Alors là, il y a David François, Ronny Autin, Jérémy Moreau, Baptiste Rognon et enfin Gaël Thierry, Maëlys Balade. C'est une école de garçons, les Gobelins avant tout? Non. Fred, vas-y, Hélène. Alors. Non, ça dépend des promos, en fait. Ça dépend beaucoup des promos. Il y a eu des vieux bruits qui ont couru. Vas-y, parle un peu. Quoi, à un moment, il n'y avait pas assez de filles. Que donc le jury prenait des filles pour qu'il y en ait, selon leurs charmes divers. Oh, des choses, des bruits épouvantables. Et en fait, ce n'est pas vrai du tout. Parce qu'il y avait une promo avec une seule fille. Et quand je lui ai dit qu'il y avait une fille qui allait arriver du Luxembourg, j'ai dit, t'es contente? Et elle m'a dit, ah non, moi, ça me va très bien d'être seule avec 24 garçons. Pour nous, c'était dur, parce que c'était ma promo. Ah oui. Ouais. Les garçons n'étaient pas d'accord. Pour une fille, je vais te dire. C'est pas simple. Non, parce que ça amène une pluralité, ça amène quelque chose d'autre, en tout cas, je suppose. Mmh. Mais tu me disais. Mais là, c'est historique. Cette année, nos premières années sont des filles. Il faut le dire. Ouais. Comme une fille. Majorité. Il y aura une majorité de filles. Ouais, voilà. C'est la première fois. Ouais. C'est donc historique. C'est pour ça que je précisais aussi, donc, comme quoi les choses. C'est quelque chose, de toute façon. Il y a un espoir de voir des filles réalisatrices dans le cinéma d'animation un jour. Alors, vous savez que ça, c'est quelque chose de. Alors, je veux dire que c'est vrai que c'est souvent l'un des problèmes, c'est que. Elles sont souvent très nombreuses en étudiantes et que comme dans le monde de travail en général, hein, pas uniquement dans l'animation, comme par hasard, elles disparaissent un petit peu plus par la suite. Quand on regarde, c'est incroyable le nombre de réalisatrices qu'on a parmi les étudiantes et qui sont en festival, et c'est incroyable. Et malheureusement, souvent, encore une fois, hein, comme dans le reste de la société, l'animation n'est pas mieux ou n'est pas pire qu'ailleurs. Souvent, malheureusement, il y a un petit peu moins de réalisatrices une fois qu'on passe. Et si je vous demande des grandes réalisatrices, mais il y a Florence Miaille. Il y a Florence Miaille, Caroline Leaf. Guillaume Leroy, par exemple. Oui, mais qui est quand même moins, qu'on a moins fait, qui est moins connu. Ouais, je parle vraiment bien. Oui, vrai. Alors que sinon, on a Tricen, Chris Gable, Frédéric Bach, Norman McLaren. Oui, oui. Et donc, voilà, donc on a. Susie Templin, ça s'appelle comment ? Susie Templeton, tout à fait. Pierre Leloup, en effet. Mais c'est quand même un peu moins. Malheureusement, elles ont souvent. Un petit peu moins, voilà, c'était la petite chose, mais en effet, ça viendra, très bien. On y croit. Oh, j'en suis persuadé. Je compte sur vous toutes, là. oui, on va en parler, il y en a toujours plein dans le studio de toute façon, donc je suis très content et à chaque fois. Les Gobelins est né en l'école, alors d'après ce que j'ai vu, hein, j'ai pas fait beaucoup de choses, mais 63 avec un département photographie, et en 75, c'est le département animation. 75, c'est marqué sur le site. Ah, faut changer ça sur le site, alors ça met les journalistes ensuite dans des positions difficiles où on croit qu'on fait mal notre boulot. 74 animations, c'était qui le directeur à l'époque ? C'était Pierre Emma. C'était Pierre Emma, on peut parler juste un tout petit mot de Pierre Emma. C'était quoi l'impulsion des Gobelins ? On va pas parler de l'histoire trop, on va parler évidemment de ce qui se fait aujourd'hui, mais c'était quoi l'impulsion des Gobelins au tout début ? Il y avait pas d'école, c'est pas un Faucon, mais très récent, c'est une vingtaine d'années, enfin tout, donc c'est la première. Les Gobelins, qui veut parler, Hélène ? Ça, c'est Fred, je pense, qui connaît mieux l'histoire. Enfin, ouais, rapide, hein, c'est pas vraiment pour... Peu, mais c'est vrai qu'à l'époque, dans ces années-là, il y avait une demande de la profession, en fait, pour avoir des animateurs. Ils n'en trouvaient pas beaucoup. Et en particulier, il y avait Goscinny qui a créé son studio. Il y a le studio Edifix qui existait, hein, donc à partir du succès d'Astérix. Goscinny avait réalisé deux longs métrages d'Astérix, mais en Belgique, à Bellevision. Et donc, finalement, il y a une demande, et puis de la part de studios aussi, une montée de la publicité aussi, un peu une demande à l'époque, quoi. Et donc, l'école, en fait, qui est une école de la chambre de commerce, donc financée par les entreprises, à créer ce département pour répondre à la demande des entreprises, en fait. Hein, c'est ça l'idée. Donc, au début, il formait normalement des assistants animateurs, je crois, hein, des dessinateurs de films d'animation, voilà. Et c'est Pierre Emma qui a monté le département, qui s'est un peu renseigné pour voir un peu les professionnels. Et le département a démarré comme ça, quoi. La formation était en 2 ans, hein, je crois, au départ. Hein. C'était une formation de 2 ans, hein, quand même. Voilà. Et donc, bon, c'était juste pour dire aussi un mot de Pierre Emma qui était important dans le festival d'Annecy aussi. Oui, il y a eu toute une relation qu'on était entre le festival d'Annecy. Et puis au niveau européen aussi, les développements européens. Hein, effectivement, Pierre Emma a énormément travaillé là-dessus. Ouais. Sur le storyboard et oui, sur le truc, hein, quand il était fait avec les Gobelins, il y avait pas mal d'écoles européennes aussi. Il y a eu des bibles graphiques pour essayer d'homogénéiser un peu la façon de faire de différents studios, puisque chaque studio travaillait un peu en autarcie, on va dire. Et donc, pour essayer de créer des séries, des coproductions, monter des coproductions, essayer d'avoir un peu des normes standards au niveau européen, en fait. Donc ça marche tellement bien que les Gobelins deviennent rapidement un nom important. C'est la profession, c'est les studios qui viennent chercher donc tous les assistants animateurs au départ. Hélène ? Bon, je dirais pas vraiment, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, on se formait beaucoup sur le tas et que c'était une façon, c'était bien pour les studios d'avoir des personnes qui étaient déjà formées. Et puis il y a eu une aide de l'État, enfin l'État a stimulé aussi l'industrie du cinéma d'animation. Ah, donc dans les années 80, ça s'est un petit peu développé avec Jack Lang. Donc c'est vrai que ça a beaucoup contribué aussi à la demande de l'industrie en fait. Et donc voilà. Donc les Gobelins étaient juste en fait avant. C'était un visionnaire. On peut dire que Pierre Emma était un visionnaire. C'était un prof de physique au Gobelin et il a senti que ça allait devenir un mode d'expression qui allait sortir de la cave et qui se développerait même en Europe et même en France, dans les salles. Voilà. Donc les Gobelins prennent son essor petit à petit. Il y a des gens. Est-ce qu'il y a des noms déjà dès le début des Gobelins qui font leur trou rapidement, ou est-ce que ça va venir un peu plus tard? Est-ce que les gens c'est une question qui est un peu dure, hein. Là, on n'est pas obligé. Hein. Non, mais c'était... Oui, là, tu nous forces à aller très loin dans notre mémoire. Oui, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que t'appelles ça dépend. Si on parle d'auteurs, si on parle de gens qui sont allés explorer. L'idée, c'est comment, d'un seul coup, ce qui est intéressant, c'est comment les Gobelins deviennent cette école indispensable et comment elle se rend, comment, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, après, on pourra en discuter, il y aura des choses, mais comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de. À la fois, il y a des gens qui ne jurent que par les Gobelins, il y en a qui disent oh là là, si c'est les Gobelins, on le voit bien, parmi les étudiants, quand on est à Annecy, les débats des fois sur les films, oh, toi, t'as fait tel film, ouais, je m'attends trop, etc., etc. Ou, pareil pour Supinfocom, on peut dire qu'il y a cette fausse idée, mais qu'on lance tous, hein, peut-être, d'avoir d'un côté un peu les Gobelins puis Supinfocom, et soi-disant d'un côté l'ENSAD et la Poudrière, ce qui est, on sait bien, on en parlait un peu avant, un petit peu facile et un peu schématique, comme on aime bien, comme on aime bien mettre dans des cadres, tout ça, dans les cases. Mais moi, je pense que c'est grâce à Fred. Ok, un peu d'autocrégulation. C'est l'animation, non, mais je pense que c'est vraiment, c'est le crayon et l'animation au départ, et le fait que cette espèce de conquête, oui, de l'animation traditionnelle, le plaisir de faire bouger avec prouesse et de donner la vie vraiment avec le crayon et la finesse de l'acting et tout ça, je pense que c'est propre aux Gobelins, oui. Donc c'est le plaisir des profs. Et le plaisir des avant profs, tout de transmettre ça. Oh oui, ça c'est voilà. Sûr, c'est le plaisir des profs, c'est une évidence. Mais je crois que en fait, si on regarde bien, comme c'est quasiment la première école d'animation, en fait, historiquement, hein, c'est une école qui est apparue à un moment où l'animation était structurée, hein, c'était développée en tant que métier quand même, où le long métrage, il y avait des longs métrages, il y avait du succès, il y avait un public, etc. Et en fait, c'est une technique qui était basée sur le dessin, donc traditionnelle, a priori, hein, comme on peut dire. Là, on formait des dessinateurs, quand même. Hein. C'était d'ailleurs dit, dessinateur, film d'animation. Et en fait, on s'aperçoit que cette structure de la profession qui s'est faite sur, 60, 70 ans, en fait, depuis les années 30, en gros, finalement, cette solidité de la base sur le dessin, on l'a toujours gardé. Alors que peut-être que les écoles qui sont venues après n'ont pas cette histoire-là. Devenir du dessin, de la base, quoi. Or là, on a toujours gardé, on ne s'est jamais éloigné. L'école a profondément évolué, ça c'est une certitude. Les études sont passées à 3 ans, on s'est orienté vers la conception, on a fait des films. Hein, ce qui n'était pas le cas avant. On a fait des. Non, mais il faut voir. On va en parler. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Mais la base. Que, voilà, les studios savent, et savent encore aujourd'hui, que quand ils vont avoir un étudiant, quand ils vont avoir quelqu'un qui sort des Gobelins, il a une base dessin absolument. Correcte. Mais donc ça, pourquoi. Je vais dire parfaite. On sent le prof. On sent le prof qui est derrière. Correct, hein, faut pas non plus exagérer. Ouais, Hélène. Mais pourquoi c'est aussi solide? C'est parce que c'est très très long à acquérir en fait. Hein. Et comme on en parlait tout à l'heure, enfin, un film d'animation c'est très long à fabriquer, mais pouvoir dessiner pour l'animation c'est très très long aussi. Et ça, ça prend pas. On peut pas dire, je vais le former en 3 semaines ou en 3 mois. Même 3 mois, ça suffit pas. Il faut du temps. il faut de l'expérience. Et d'ailleurs, tous ceux qui sortent de l'école continuent d'apprendre. Et tous les gens qui travaillent dans ce métier continuent d'apprendre. Et heureusement, enfin, c'est l'intérêt du métier aussi. Alexandre, tu voulais dire ? Non, je voulais simplement parler historiquement. Il y a 15-17 ans maintenant, quand Spielberg a fondé Emblimation à Londres, il a recruté beaucoup de gens des Gobelins. Il cherchait des nouveaux artistes. Il y avait des gens qui bossaient à Disney en 2D, au crayon, mais il est allé aux Gobelins pour trouver des artistes. Donc il y a toute une vague de gens qui sont allés à Emblimation. Et 3-4 ans plus tard, quand Katzenberg et Steven Spielberg ont fondé DreamWorks, eh bien, ils sont encore une fois tournés vers les Gobelins. Il ne faut pas le dire, Alexandre. Il ne faut pas en parler de ça. Pourquoi ? Mais moi, il y a DreamWorks, ils m'ont dit qu'il fallait en parler. Non, ce qui est intéressant, c'est parce que moi, quand je discutais avec des gens de studio, on me dit justement pourquoi ils viennent en France. C'est parce qu'aussi, il y a toute cette culture du dessin. Il y a cette culture même des beaux-arts. Le fait qu'on leur apprenne les beaux-arts et le fait qu'on leur apprenne même aussi le cinéma, c'est-à-dire qu'ils aient des cours où ils voient et qu'en effet ils savent, même s'ils connaissent pas forcément par cœur McLaren ou s'ils connaissent pas, on leur donne cette vision-là. Ils savent qui est, des évidences, mais ils savent qui est Van Gogh ou ils savent et ils ont toute cette culture aussi qu'on pas forcément. Et encore une fois, moi j'oserais pas dire ça. C'est des gens de studio qui, notamment américains, qui vont par exemple dire ça, qui vont dire qu'il y a cette culture-là. Alexandre. C'est plutôt des techniciens, quoi. Il y a beaucoup de techniciens qu'on va trouver dans les studios américains, notamment. Voilà. C'est vrai que nous, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a cette balance entre l'artistique et le technique. On vient à travers les écoles, mais même à travers la vie qu'on a. On baigne beaucoup plus dans la culture, de manière générale. Et on a aussi un esprit d'indépendant, je pense, en tant que Français, qui plaît beaucoup. Le côté un peu débrouille, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on ne va pas aller voir notre superviseur ou aller sonner toutes les cloches en disant ça ne marche pas, ça ne va pas. On va sortir le scotch, les clous et on va faire avancer les choses. Et ça plaît énormément. J'ai cette anecdote. Ils étaient tous les deux, je crois, en même temps. Alors, à chaque fois, je me plante de nom. Je me demande si ce n'était pas William. Enfin, qui est parti à DreamWorks pour travailler sur le prince d'Égypte et qui avait fait sa petite, entre guillemets, il avait fait sa petite séquence d'animation qui était au Gobelin, et qui est un type super doué, et avec Katzenberg qui passe plus ou moins derrière, alors qu'il a fait son truc tout seul, un peu pour lui, pour voir, et Katzenberg dit, mais c'est quoi là? Oh rien, c'était une préparation. Il dit, ah bah tiens, et puis finalement, le faire monter un petit peu plus dans les échelons, ou bien sûr, on en parlait tout à l'heure, l'un des noms qui est David Encinas, qui va voir les studios Ghibli au moment où il est au Gobelin, qui le disent, apprends le japonais, reviens dans un an, et puis on voit qu'il a appris le japonais, qu'ensuite il a appris le mandarin, qu'il a appris le cantonais, qu'il a appris le vietnamien, qu'il a appris le laotien, qu'il a appris toutes les langues asiatiques du monde pour maintenant être, on sait jamais s'il est à Shanghai, à Tokyo ou un peu partout. Et en effet, comme tu dis, donc, pour dire cette volonté finalement d'étudiant de baigner dans plein de choses finalement. Est-ce que c'est ça aussi l'une des recettes des Gobelins? C'est une des recettes, mais je pense que c'est vraiment lié à l'historique qui fait qu'il y a une ouverture qui est avec des bases solides, en fait. Mais on peut très bien ne pas faire comme ça. Hein. On peut très bien être une autre école et faire tout aussi bien et former des gens très ouverts, avec des bases très solides. Et quand on est une école qui forme à base de numérique, par exemple. C'est possible ? Et c'est possible, il suffit de le faire. Est-ce que il faut peut-être un peu de temps pour que... Quand même. C'est pas parce que vous êtes là, c'est Gobelins. Je veux dire, on a eu l'ANSAD ici, donc il n'y a pas à faire de... C'est juste que quand on a des gens aussi différents... Alors, c'est vrai qu'on peut parler aussi... On va arrêter dans l'historique, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi Roger Grange à un moment donné qui a fait énormément peu... Hein, dire les noms quand même qui ont été importants. Et François Darras. Quand on a un type comme François Darras qui ne jure que par des films où il y a un plan séquence de 25 minutes, une musique qui fait. Je caricature, mais je suis moi-même un peu comme ça, donc je me caricature aussi un peu. Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien ce genre de choses, mais ce genre de personnage, et puis évidemment des gens qui aiment bien, et c'est bien dans une école, ou même Olivier Coe. Enfin, Olivier Coe est quelqu'un, un des grands historiens du cinéma d'animation, Olivier, qui est prof au Gobelin, qui lui aussi aime des choses qui sont quand même un petit peu moins cartoon, on va dire, et qui peuvent peut-être surprendre les élèves, non ? Alexandre, allez, après on va parler donne à voir des choses nouvelles. Il y a beaucoup à apprendre, quoi, de tout ça. Ça ouvre des nouveaux horizons, quoi. Je pense qu'il y a un aspect de l'école dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui est quand même important, parce qu'on dépend de la chambre de commerce. et d'industrie, toutes les écoles de la Chambre de commerce et d'industrie forment pour les entreprises. Il y a cet objectif de en fait que les étudiants trouvent du travail à la sortie. On forme pas des auteurs purs et durs. On souhaite qu'ils deviennent des auteurs s'ils le souhaitent. On souhaite que cette maîtrise des techniques leur permette de créer tout ce qu'ils veulent. Mais l'objectif, un des objectifs principaux, c'est qu'ils trouvent du travail et donc qu'ils soient polyvalents, et d'où le développement de l'école aussi. Parce que c'est ce qu'on a dit justement. Voilà. Non, mais l'idée c'était justement, est-ce que la force des Gobelins, c'est de créer justement ces gens-là, ces animateurs, ces techniciens qui sont, et en plus qui ont cette petite chose en plus qui leur permettent finalement, une fois qu'ils sont dans ces studios, voilà, bah de faire comprendre qu'ils ont peut-être une, comme disait Alexandre, une originalité, une liberté que peut-être d'autres n'ont pas, mais tout en ayant. Alors, moi, je disais même qu'ils avaient un dessin absolument parfait. Et on m'a dit non, correct. Donc, j'ai l'impression. Un dessin correct. Oui, oui, non, c'est vrai. C'est déjà. C'est vrai que c'est. Je répète à chaque fois mes étudiants que Picasso, à la fin de sa vie, disait qu'il ne savait pas dessiner. Ouais. Et que Modigliani aussi disait qu'il connaissait à peine 20% du dessin ou des choses. Donc, c'est vrai que de savoir bien dessiner, c'est correct, c'est déjà bien. Mais on le sait bien aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Ce n'est pas parce que vous êtes là. Les animateurs des Gobelins sont parmi, sûrement, en tout cas. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le métier que ça se dit, parmi les meilleurs animateurs. Enfin, je sais pas, on va prendre Florentine. Florentine, elle est pas animatrice, elle a fait, elle est pas. Enfin, elle était animatrice, bien sûr, mais t'es pas. Pour les prochains courts-métrages, si je peux prendre des animateurs des Gobelins, j'y serai pas. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est... sans. Ouais, c'est connu. Y a pas de choses à dire. Donc, ça veut dire. Et pourtant, Florentine fait des courts-métrages qu'on dit. J'aime pas ce genre de terme d'auteur. Enfin, voilà, elle fait ses courts-métrages. Et n'empêche qu'on a envie. T'as travaillé. Sur Roux, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait tenté le Gobelin et bon, qui a fait, pour le coup, qui était à l'Ensan, mais bon, qui était très bon technicien et qui a pu s'adapter à la peinture à l'huile sans problème. Voilà, qu'on a les outils techniques, même si je fais de l'auteur, voilà, a priori, l'anime, c'est de l'anime. Et t'as fait Roux. Voilà. D'ailleurs, au passage, une partie au Gobelin d'ailleurs. Oui, en effet, sur les bantines des Gobelins. Donc, très agréable. Mettre de la place. Non, mais c'est sûr qu'il y a une maîtrise graphique forte, même des étudiants qui sont acceptés, qui commencent en première année. Enfin, tu vois les books de dessin, c'est quand même impressionnant. Ah, ils ont dû travailler avant d'arriver au Gobelin, et c'est ce qu'on leur demande. Donc, ça leur permet de s'adapter à des techniques, tu vois, derrière, et même dans la 3D. Moi, je fais beaucoup de 3D, on en bénéficie énormément, parce que tu as un sens graphique, un sens de l'image. Que tu peux adapter, t'adaptes la 3D à l'image, tu vois. Tu deviens pas esclave d'une technique, tu la maîtrises vraiment. Et ça, c'est vrai, ça compte. Non, mais il faut dire aussi que le dessin d'animation, quand même, il faut dire que le dessin d'animation, c'est quand même bien particulier. Il faut être capable de dessiner un personnage réellement sous toutes les coutures, sous n'importe quel angle. Donc ça exige d'avoir un niveau de dessin très élevé. C'est-à-dire que même quand ils entrent à l'école, ils ont un bon niveau de dessin, mais on voit bien qu'au cours des 3 ans, il continue de s'améliorer, il dessine sans arrêt. Et il dessine quoi? De l'animation. Et dessiner de l'animation, ça veut dire faire 12 dessins par seconde. Donc, Pendant leur week-end. Est-ce que il y en a, même leur week-end, ils dessinent, ils font des petits trucs ensemble. Ah, on va faire 12 secondes. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres secteurs où les gens travaillent, dessinent autant, et font autant de dessins dans leur vie. C'est une certitude. C'est le domaine où on fait le plus de dessins au monde, quoi. Donc évidemment, on finit par être bon en dessin, en volume, à situer dans l'espace. On est donc très apte après à intégrer des studios de 3D sans aucun problème. Enfin, il faut être réaliste, quoi. Mm-hmm. On a une vision de l'espace, on a des notions de perspective, etc. Voilà. Et puis on ouvre sur le graphisme, la peinture, etc. Donc, alors on va demander à Marthe. Pourquoi vous voulez rentrer au Gobelin? Je voulais rentrer au Gobelin déjà pour acquérir cette technique, voilà, dont on a parlé, qui me permettrait de faire ce que je voulais ensuite, un peu, parce que moi avant j'ai fait beaucoup de 3D. T'as fait quoi avant, oui? J'ai fait l'école Estienne, le DMA d'animation, et je voulais rentrer au Gobelin pour retoucher un peu au crayon, parce que ça me manquait, et voilà, pour acquérir cette technique qui me permettrait de faire vraiment ce que je veux, de raconter les histoires que je veux, et voilà, de vraiment ouvrir le champ des possibilités. Ok, et ceux qui sont là, qui écoutent et qui veulent absolument rentrer au Gobelin, ils disent « Oh là, la chance, elle est rentrée au Gobelin !» C'est comment l'oral? L'oral? C'est un peu... ça fait un peu peur. Ouais. ça passe assez vite, finalement, parce que on est très... Enfin, moi, en tout cas, j'étais vraiment très stressée. Et finalement, ça se passe bien parce qu'on nous met assez à l'aise. On parle beaucoup, finalement, de soi et pas forcément... et pas forcément de choses très stressantes, comme notre book. Et parler de soi, c'est tout de suite plus facile que parler technique, hein, parce que c'est des choses qu'on connaît plus, sur lesquelles on est plus à l'aise, et ça vient plus facilement, du coup. Et ça a été quand même un bon moment, l'oral, même avec le stress. Ouais. Surtout quand on est pris. Oui, mais ça on n'est pas sûr au moment où on parle. Ça dépend. Alors voilà, c'est ça. Ça dépend c'est... du jury. Ah, c'est qu'il y a ce fameux. Alors, c'est toujours comme ça, vous savez, c'est des, hein, c'est les légendes, c'est les urban legends qu'on peut avoir. Et nous, on a les mêmes en animation. Il y a le jury gentil et le jury méchant. Et normalement, moi, tous mes élèves sont. Oh, moi j'ai eu le jury gentil, je crois. Et il y en a qui sortent en disant moi j'ai eu le jury méchant, j'ai aucune chance de passer, ça ne marchera pas. Hein, Florentine, on connaît ça. Hein, les moi j'en entends souvent parler des jurys. Ah, c'est ça, t'es tombé sur lequel? Non, c'est ça. C'est... J'ai jamais tenté, mais c'est vrai que tous les ans je côtoie des gens qui tentent ou qui l'ont déjà tenté, donc c'est vrai que cette rumeur des jurys est persistante. Adrien, toi t'es tombé sur le. Moi, apparemment, je suis tombé sur le jury gentil aussi. D'accord. J'étais très, très, très stressé avant. Et à partir du moment où j'ai mis les pieds dans la pièce et où on a commencé à parler, non, plus ça a été. Donc, toi, c'était super. Toi, tu viens d'où? Je viens du DMA de Marseille qui a ouvert il y a 2 ans. Donc, j'étais dans la toute première promo. Donc, on s'est un peu dépatouillé comme on a pu. L'ambiance était super, mais effectivement, on a essuyé les plâtres. On avait un petit peu du mal à avoir des intervenants, à avoir des cours de nu. Bon, enfin bref, on s'est débrouillé et à l'arrivée, ça s'est très très bien passé. Et du coup, on était contents par rapport au DM parce qu'on a 3 personnes qui ont tenté les concours, dont moi. Moi, je suis parti là où je voulais aller, c'est-à-dire au Gobelin. Maïlis Garcia qui est partie sur Angoulême à l'MK. À l'MK, ouais. Et une autre élève qui est partie à Super Infocom. Trois élèves à tenter les concours et 3 élèves à rentrer où on voulait. Bon. Donc, très très bien. Et donc, pourquoi tu voulais faire les gobelins? On en a déjà un petit peu parlé, mais c'était pour effectivement ne pas être esclave de la technique en fait. Et être vraiment détaché de ce problème-là qui est tiens, je voudrais faire ça, mais au milieu de l'exercice, tiens, je vais changer parce que j'y arrive pas et je vais me faufiler vers la solution de facilité parce que j'arrive pas à faire autrement et que tiens, ça pourrait marcher comme ça, alors je vais m'arranger. Pour justement ne pas être esclave de ces petites solutions de facilité et pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. Donc voilà, et pour être sûr de maîtriser vraiment les bases. Parce que finalement, en DMA, on a fait beaucoup de choses, mais comme je le disais tout à l'heure, on a essuyé les plâtres. Donc c'était pas sûr, on n'était pas vraiment sûr d'avoir vraiment assimilé les bases. Là, c'est vrai, on a fait une semaine de préliminaire, on a laminé une demi-ramette de papier dans la semaine, donc ça va, les bases, là on en mange. C'est très dense, c'est presque indigeste, donc c'est bien, c'est très bien. Ah, il y a Marc qui est d'accord aussi en fait, elle fait son point, elle est aussi d'accord. Juliette, toi, c'est la question, alors d'où tu viens? Alors moi, avant de rentrer au Gobelin... En deuxième année, Juliette, donc. Ouais. Voilà. Donc avant d'entrer au Gobelin, j'étais dans une terminale L, option cinéma, prise de vue réelle. Donc bon, pas grand-chose. T'es entré de terminale directement au Gobelin. Ouais. T'as pas fait DMA, t'as rien fait. Toi, t'étais tellement doué que t'es rentré direct. Non, pas. Ouais, trop. Non, j'ai vu la lumière, je suis rentrée, c'était sympa. Et ils ont dit, vas-y, pourquoi pas. C'était avec un jury trop gentil. Voilà. J'avais le jury gentil encore. J'avais le jury très gentil. Il y en a un des derniers qui m'a été avec le gentil méchant pour nous en parler. Donc ouais, et toi, tu voulais... Donc tu faisais du dessin, pareil, depuis... Ouais, sur les coins de cahier et compagnie. Et enfin, je sais pas, c'est comme ça que ça commence, quoi. C'est comme un flipbook sur un cahier de maths et puis au final ça fait un dessin qui bouge, on en a fait un, on se dit waouh, j'en veux plus quoi, je veux faire un vrai truc et du coup donc les gobelins c'était la meilleure porte par laquelle je pouvais passer. Est-ce que c'était la meilleure porte? Alors je sais pas si c'est des choses qu'on peut dire, peut-être que ce sera avec les anciens. Est-ce que c'est la meilleure porte parce qu'on se dit en effet ça va m'apporter cette technique, c'est évident? Et est-ce que c'est la meilleure porte en disant waouh, je sais que j'aurais marqué dans un endroit les gobelins, et je sais qu'en sortant avec ce tatouage les gobelins, je suis un peu tranquille, j'ai quand même de grandes chances de trouver du boulot. C'est pas cet angle-là, je dirais plutôt que c'est un peu un cercle vertueux. Grâce à sa réputation, c'est une école qui a vraiment des intervenants de furieux, qui a des cours super complets, et qui a des possibilités de conférences, de voyages, de... Enfin, vraiment, je dirais pas infinie, mais même elle est en constant développement. À chaque fois que, même quand nous, on a des propositions à faire pour développer des trucs, là, on a un micro-studio de StopMo qui est en train de s'installer. C'est vraiment, je pense que c'est de par sa notoriété qu'il y a aussi toutes ces possibilités et du coup le tampon gobelin je veux bien, c'est une valeur ajoutée, mais après c'est vraiment pas, c'est pour ça que je dis la meilleure porte, c'est que ça me paraissait être vraiment l'école où j'avais moyen d'avoir le plus de possibilités. En fait, elle veut dire qu'on sélectionne aussi les intervenants, pas que les intervenants. Les intervenants, ils ont le jury méchant aussi. Oui. C'est très dur. Non. Vincent. Oui. Et toi, alors? Pareil, c'est pareil que tout le monde, en fait. Pour avoir le côté aussi, j'ai eu le jury gentil. Donc en fait, Non, bah, moi, j'ai pas vraiment fait de formation non plus avant de rentrer, donc je suis aussi un exemple un peu. Pas super fréquent dans l'école. J'ai fait un bac STR appliqué, donc c'est plutôt du design objet produit, choses comme ça. Et après mon bac, j'ai tenté plusieurs écoles d'anime, j'ai été refusé un peu partout, et donc j'avais tenté le concours des gobelins et j'ai échoué à l'oral, et j'ai retenté l'année d'après après une année sabbatique où j'ai beaucoup dessiné tout seul, parce donc, c'est pas une année sabbatique. Oui, voilà, mais c'était, j'aime bien l'idée d'année sabbatique, oui, où j'ai dessiné tout le temps, tous les jours. Une année de formation autodidacte, quoi. Voilà, d'accord. Et, sauf que, donc oui, bah, je voulais rentrer, j'ai choisi d'en rentrer au Gobelin parce que c'était vraiment pour cet amour du dessin, quoi. C'est le côté, j'aimais vraiment dessiner en traditionnel, et c'est vrai que c'est un peu la seule école dont tout le monde parle quand il s'agit de former à l'animation traditionnelle, vraiment le papier. Le fait de flipper des feuilles, tout ça. Il y a encore beaucoup de formations traditionnelles dans l'école, même si certains films de fin d'études sont en 3D et tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu rentrer ici. Ça va continuer longtemps, ce côté traditionnel, alors que tout le monde l'abandonne? C'est-à-dire qu'on essaye de résister. On a d'énormes pressions. Et en fait, non, on résiste. On se dit que le papier, c'est bien, que le crayon, c'est sympa, et que... Ben, flipper de l'anime, c'est bien pratique, parce qu'on peut flipper avec 5 dessins, donc ça, on est sur sa table d'anime, on modifie le dessin en même temps qu'on flippe, on n'a pas à aller line tester avec un outil numérique qui refuse de marcher, et en fait, ça tombe pas en panne, si vous voulez. Le papier tombe pas en panne, en fait, c'est un gros avantage. On n'a pas besoin d'ingénieur réseau, tout ça, d'ingénieur système qui donc sont jamais là. Donc ça continuera, et on peut être sûr que les gobelins... Non, on résiste, on arrive à résister, mais la pression est quand même importante, quoi. Il y a des outils numériques qui se développent. Effectivement, au niveau des tablettes graphiques, on a des sortes de tables lumineuses électroniques, en fait, maintenant, qui existent, qui sont pas encore parfaites au niveau de la qualité du toucher, en fait, du crayon, et de la précision aussi. Et puis les logiciels adéquats sont plutôt pas mal, mais c'est vrai que on se pose des questions. Mais enfin, c'est encore un peu cher, mais on risque peut-être de numériser tout ça un jour. Alexandre, toi, après la sortie, donc tu fais la Migration Bigouden, qui est je suis inconvénient, qui est sûrement un des meilleurs courts-métrages à être sorti de pour moi, mais en tout cas je le pense sincèrement, à être sorti des gobelins. Qu'est-ce qu'on fait après? On a les gobelins, on a court-métrage qui passe quand même pas mal en festival. C'est vrai que l'année qui a suivi les Gobelins, pour moi, c'était extraordinaire parce qu'on a fait plein de festivals, on était invités partout, alors des grands, des petits. Les petits, c'était super parce que tu sais, ils viennent te chercher, les comités d'organisation qui viennent te chercher à la gare, et tu dors chez eux, et puis il y a un côté vraiment de proximité avec le public, donc ça, c'est super. On a aussi fait Annecy, puis surtout, on a fait le SIGGRAPH. On a eu un prix, donc au SIGGRAPH à Los Angeles. Alors, gros festival. C'est quoi le SIGGRAPH? Et en fait, donc, c'est un gros festival d'art numérique à Los Angeles qui se tient tous les ans, et on nous a remis un prix. Alors, du coup, on y est allé avec mes copains avec qui j'ai réalisé le film. On a profité pour prendre quelques vacances là-bas en Californie, quand même. Et donc, on a reçu le prix. Et moi, j'ai été contacté par DreamWorks quand je suis allé là-bas. C'est comme ça que je suis entré en contact avec eux. Enfin, on avait été, je dois dire, en contact dans le jury avec Gilles Pêche notamment, parce que c'est ça aussi le point fort de l'école. C'est-à-dire que dans le jury, il y a un forum professionnel. Donc, on est au contact avec les professionnels. Ils te connaissent. Et donc, quand je suis allé là-bas, j'ai visité le studio, j'ai vu qu'ils faisaient un film qui s'appelait Kung Fu Panda, à l'époque, qui était en préparation, dont les dessins étaient faits par Nicolas Marley, qui est un artiste que j'adore. Et ils m'ont dit, écoute, on vous rappelle si on a quelque chose. J'ai dit, ok, c'est ce qu'on dit un peu quand on veut laisser passer un peu d'eau sous les ponts. Et puis, un mois après, quand j'étais à Paris dans un bar, il était minuit, j'ai reçu un coup de fil des États-Unis qui disait, hello, would you like to work for DreamWorks? Et là, j'ai payé ma tournée. Voilà. Mais donc, c'est vrai que sans la Migration en Bigouden, ça n'aurait pas été possible. Oui, c'est ça. C'est le film, quand même, qui a permis finalement d'ouvrir plus de portes. C'est vrai que ça a beaucoup compté pour la suite. Comme quoi, faire le film aujourd'hui, parce que c'est C'est depuis quand que les... les étudiants finissent finalement, font un film, parce que pendant longtemps ça a été le générique. Voilà, ça s'est pas fait. D'Annecy. Petit à petit, en fait. Et ça s'est fait petit à petit, parce que même. Bah, c'était en 2004. C'est, ma promo, c'était le premier film fini, en fait. Ouais. Qui avait été vraiment des films courts, parce qu'avant il y avait des films un peu plus longs qui n'étaient jamais terminés. Enfin, il y avait un problème de production, en fait. Et nous, on nous a forcé à faire des films qui ne dépassaient pas une minute. Ouais. C'était hyper important. Ouais. Nous, on a dû batailler pour faire un film d'une minute trente. Parce que les bigoudens, pour faire les crêpes, ça prend une minute trente, ça prend pas une minute. Mais, oui, faut le voir, hein, vous avez entendu juste, ouais. Vous regardez sur Internet, Migration Bigouden, vous allez, quand vous avez peut-être entendu tout à l'heure, en effet, c'est, imaginez juste des plein de bretonnes autour d'une falaise en train de faire des crêpes. Et je vous laisse découvrir le film aussi bien esthétiquement que mise en scène. Et super bien. Et Hélène, c'est venu pourquoi cette envie de faire d'un seul coup des films? Est-ce que Goldman, d'un seul coup, s'est dit, ben, là, il faut absolument qu'on se mette à faire des films pour les étudiants, Parce qu'on en avait marre de cette vieille guerre entre les écoles qui disaient toujours que Gobelin c'était des techniciens, c'était le safety Gobelin, et donc on avait envie de montrer que tous ces gamins là, ils avaient envie et ils étaient capables de faire des films aussi. Voilà, non, mais je pense que c'est aussi parce que on avait les moyens, parce que l'équipe était prête à ça, que l'école et puis parce que toutes les écoles commencer à en faire aussi, et que surtout c'est un moyen d'apprendre. Enfin, le film d'Annecy par exemple, c'est une expérience formidable. Ils apprennent énormément de choses à ce moment-là, puisqu'ils travaillent en équipe, c'est la première découverte de la fabrication complète d'un film, de la conception jusqu'au PAD, quoi. Mais quand on en a fait un, on a envie d'en faire un deuxième. Et celui d'Annecy, bah, il est plein de contraintes, puisque le festival donne un thème, puisque on n'a pas beaucoup de temps, ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. Il y a un thème. Oui, t'as pas remarqué? Oui, hein, il est un peu détourné. Il est souvent détourné. Non, mais surtout, c'est un format extrêmement court, puisque le format du cahier des charges, c'est 40 secondes. Donc, c'est. Le format des troisième années est beaucoup plus long. Alors, parce que c'est une minute et demie. Juste pour dire, parce qu'on va revenir à quelque chose de plus. On va parler de la première année, deuxième année, troisième. On va voir comment les choses se font. Juste, on va faire une pause musicale et on va revenir là-dessus. Il va nous rester une bonne demi-heure pour parler de tout ça. Juste quand même pour finir, donc DreamWorks s'appelle, donc à minuit dans un bar. Mmh. Les gens qui sont là ont la chance de se faire payer un pot. Ouais, voilà, qui ouais. C'est lui. Je bosse. Ils sont venus en vacances plus tard, un an après. Quand même. Voilà, c'était. Et donc, grâce à ça, grâce à la migration, on l'a dit, bon, grâce au Gobelin, grâce à la migration, qu'est-ce qu'on fait après? Tu restes jusqu'à présent, tu travailles toujours à DreamWorks? Ben, en fait, je suis parti un an, presque un an après, jour pour jour, après ce coup de fil, parce que il y a la demande de visa, enfin, il y a tout un côté administratif dans le fait d'aller travailler à l'étranger, notamment aux États-Unis, qui est très compliqué, qui est très lourd. Ouais. Pour nous, ça a vraiment été possible pour moi d'avoir un visa parce que la migration de Bigouden a eu un prix sur le sol américain dans un grand festival là-bas. Parce qu'il faut faire une paperasse, mais c'est hallucinant quoi. Ouais. Pour prouver que tu ne voles pas le travail d'un Américain, justement le fameux visa O1 qui est très long à obtenir. Donc ça a pris quasiment un an. Donc je suis parti en 2006. J'ai travaillé là-bas pendant deux ans et demi. Sur Kung Fu Panda. J'ai fait toute la production. Je suis arrivé vraiment au début du film. Donc j'ai eu la chance. On a été cinq animateurs sur le film. On a fini à 30-40 un an et quelques mois après. Et après, j'ai fait Monsters vs. Aliens. Ouais. Et je suis parti l'année dernière, en 2009. Début 2009, parce qu'en fait, on m'a proposé de réaliser un long métrage en France, à Paris. Wow. J'ai commencé à travailler là-bas quand j'étais aux États-Unis. J'ai eu la chance d'avoir Nicolas Marley, donc, qui travaille avec moi sur le film, qui me design les personnages. Et aujourd'hui, donc, je travaille sur ce film. D'accord. À Paris. Dans une boîte française. Dans une boîte française, qui s'appelle Onyx Film. Donc, producteur à Ton Soumache, ouais. Frédéric Dumas de Studio 37 également, que je réalise avec Benoît Philippon, qui est donc l'auteur du film. Et on réalise le film ensemble. Oh. Et ça sort en 2012. Bon. Parce que donc on disait que ça prenait du temps, donc voilà. Les deux prochaines années, moi je suis pas disponible. Ce qui est bien. Mais c'est très bien. De savoir qu'on est juste pour dire Renaissance est venue de là, hein, en tout cas, juste pour mettre en place un petit peu. Et puis maintenant voilà, il y a aussi la Nuit des Enfants Rois. La Nuit des Enfants Rois. Qui est le prochain gros truc qui devrait sortir. Bon, génial. Bah oui. C'est. Et vous le regardez comment comment alors juste avant de faire la pause, on va la faire cette pause, juste parce que je trouve ça toujours étonnant, c'est vrai qu'il y a des vrais oh, les gens étaient un mot un peu fort, mais c'est vrai qu'il y a des vrais noms qui circulent dans les Gobelins, et c'est vrai qu'il y a des gens, et bah, voilà, moi quand on est quelques-uns, c'est vrai que je sais que pendant un moment donné, David Encina, c'était le seul parti au Japon, encore une fois, qui avait travaillé. J'avais envoyé sa photo avec Miyazaki, avec Porco Rosso, il avait travaillé, puis avec Takahata et tous ces gens-là. Est-ce qu'il y a des gens comme ça à l'intérieur, quand on est au Gobelin, une fois qu'on est au Gobelin, on se dit, attends, t'as vu un tel, il a réussi ça. Est-ce qu'il y a des noms qui circulent? Comment on voit ça, Marthe? Je sais pas. Marthe, vas-y. On il y a des gens, par exemple, comme Louis Clichy. Là, moi, c'est le premier nom qui me vient parce que c'est vrai que c'est quand même assez récent et il a fait un sacré bout de chemin. Et c'est des choses qui font rêver. Donc, tout le monde n'a pas la chance voilà, d'aller travailler à Pixar ou à DreamWorks, mais ça reste une possibilité. Comme disent d'autres, c'est pas forcément parfois la meilleure. C'est intéressant d'y travailler quelques temps, puis de revenir en France. Mais c'est sûr que ça doit être une expérience géniale. Et je pense qu'on a un peu tous envie de ça quand on rentre, au moins d'y passer ou de rencontrer ces gens-là, quoi, pour partager un peu leur expérience. Ouais. Adrien ? Et justement, j'ai juste un truc. Justement, par rapport à rencontrer ces gens, un truc qu'Alexandre a oublié de dire dans son parcours extraordinaire depuis qu'il est sorti, c'est son expérience d'intervenant au Gobelin aussi. Parce qu'il a été, il a été mon intervenant. D'accord. Et du coup, pareil, on a eu Louis Clichy, Antoine Antin, ou des noms comme ça. Et puis même à Annecy, j'ai pu discuter avec Simon Otto, qui a travaillé sur Dragon et qui est un ancien des Gobelins. Enfin, ça permet vraiment de... Enfin, c'est vraiment bien de pouvoir rencontrer les gens qui sont un peu des légendes pour nous et qui sont des gens normaux aussi. Quoi. Alors, c'est terrible, mais c'est vrai qu'il faut faire une pause à un moment donné. On va faire une pause et on va revenir après. Il y a encore plein de choses à dire dans le peu de temps qui nous reste. On va faire une pause toujours avec l'univers de Kon Satoshi et cette fois-ci avec la seule série qu'il a réalisée qui s'appelle Paranoia Agent. Et on va écouter... On va juste écouter un morceau, j'avais mis deux au cas où, mais y a tellement de choses à dire. On va écouter juste le premier qui fait donc 1 minute 32. On passera le morceau qui est en fait le générique de fin de Paranoia Agent. On écoute. Et donc, vous entendez pas, mais d'un seul coup, tout est calme. Mais dès qu'il y a la musique, et commence à parler, ça va dans tous les sens. Et on mange parce que Florentine, notre maman à tous, nous a ramené des schtroumpfs à décapiter, des barquettes. Au chocolat. Parce que toujours, il faut au moins un truc au chocolat avec Florentine, sinon, voilà, vous savez tout des coulisses. Vous savez, il y a toujours des choses. Il y a Hélène qui fait, oui, il y a le Carrefour, et puis il y a ceci. Donc, ok, on va parler du Carrefour de l'animation rapidement. En effet, vous en entendrez parler énormément ici, Sylvie Porte va venir, bien sûr, pour nous présenter le Carrefour d'animation qui a sauté une année, qui va venir en plus. Ça va être d'autant plus important cette année que c'est les relations, c'est un regard croisé entre les États-Unis et la France, et que l'école invitée est évidemment l'une des plus belles et des plus grandes aux États-Unis, qui est la CalArts. Oh, ça tombe bien. Les Gobelins ont un comment dire, un partenariat, c'est ça. Et donc il y a un échange. Il y a un échange, et à chaque fois il y a donc vous envoyez le plus barge là-bas pour faire le film le plus barge à la CalArts. Ouais. Donc cette année c'est Hugo Bienvenue avec Je t'aime. Faut le regarder, vous allez voir. Et donc à chaque fois c'est le plus barré. Et ça sera super bien. J'ai la chance en plus d'animer cette rencontre, donc qui va être encore plus intéressante. Et non, ça va être passionnant. Et visiblement, pour ceux qui veulent voir et ceux qui ne connaissent pas, vous avez entendu le nom de Louis Clichy. Normalement, il devrait être présent. Il a dit en tout cas qu'a priori il serait présent. Donc voilà, il y aura pas mal de beau monde cette année. Je vais pas tout enlever. Sylvie m'a dit pas mal de choses, mais Michel Oslo devrait être là dans des gens complètement différents parce qu'il a fait une série, sa série est en 3D. Il y aura tous les étudiants qui ont travaillé avec lui qui vont venir. Il va y avoir plein de making-of. Enfin, on va en reparler très rapidement, mais ça va être une. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a de moins en moins de choses au forum, entre guillemets, on va dire en anime, mais quand il y a des choses, elles sont très belles et donc on va en parler. C'est quoi d'ailleurs ? Allez, on va pas tout à fait dans l'ordre, mais c'est important, ces relations entre les différentes écoles. Il y a la Film Academy de Baden-Württemberg. Voilà, Baden. Est-ce que c'est important, ces relations, ou non ? On s'en fout. Ou pas. Je sais pas, on peut dire, oui, c'est important parce que c'est intéressant. On a des étudiants qui viennent effectivement d'Allemagne. On a des étudiants qui viennent un peu partout maintenant au Gobelin, en fait. Parce qu'il y a effectivement des échanges d'élèves entre écoles. Avec CalArt, donc c'est un échange d'élèves. On récupère un étudiant qui vient des États-Unis et un de chez nous par là-bas. Et puis on a aussi, on fait une école d'été internationale qui permet d'avoir. Alors là, c'est plus, il n'y a pas que des étudiants, il y a des professionnels. Il y a la moitié d'étudiants et la moitié de professionnels à peu près. Donc et là, par contre, ils viennent du monde entier. Donc c'est pas un problème d'échange, mais ils viennent écouter des conférences particulières. Bah, Alexandre a participé à l'école d'été. Oui. Bon, voilà. Et puis, ou d'autres intervenants, il y a Christophe Serrand de DreamWorks. On fait des conférences, en fait, d'assez haut niveau. Mais c'est marrant, parce qu'il a dit, voilà, que, par exemple, cette année, il y avait une étudiante russe, c'est ça ? Oui, absolument. Qui venait, c'est, je pense que c'est important, sinon, pour dire ça aux élèves, d'avoir finalement différentes visions aussi des choses. Oui, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais en fait, d'une part, nos étudiants vont travailler un petit peu dans tous les pays, en Australie, au Japon. Cette année, nos étudiants font beaucoup de stages aussi, pendant les vacances scolaires, et surtout l'été. Et là, par exemple, cette année, il y en a 6 qui sont partis au Japon. Et en fait, tout ce réseau d'anciens d'actuel, ça crée des relations avec tous les pays de la planète, en fait, et ça donne envie à tous les étudiants ou professionnels de la planète aussi de venir à l'école, forcément. Ouais. Enfin, c'est humain. Oui, non, mais c'est important. Non, mais c'est aussi un peu une politique de l'école. Je suis venu récemment et c'est vrai que j'ai vu Claire Voisin, qui est une de mes anciennes élèves aussi, et qui me disait qu'elle était partie au Japon, que c'était absolument incroyable, voilà, et qu'elle avait qu'une envie. Avec la Chine aussi. Le Japon, de repartir là-bas et de travailler. Marc, tu disais, oui, c'est important d'avoir des gens qui sont de nationalité aussi différente. C'est très très intéressant parce que ça ouvre vraiment sur le monde. Et là, par exemple, Karina, donc, qui est russe et qui est dans notre classe, même si elle a vécu 10 ans aux États-Unis, nous parlait de la conception de l'animation en Russie qui n'est pas du tout la même qu'en France, ouais, ou même qu'aux États-Unis. C'est passionnant de voir les différentes méthodes de travail selon les pays, quoi. En plus, ça nous permet de travailler notre anglais, donc c'est très bien. Tiens, en fait, Alexandre, toi, t'es une jury méchant ou gentil ? Tu nous as pas dit. Il y avait un mélange des deux, en fait. Donc je regardais, Hélène, qui a été gentille. Je te rappelle pas, mais... C'est ça, t'étais... Tu sais rapidement lesquels il faut... Non, moi, je l'ai passé 3 fois, le concours. Et la première fois, je me suis fait... Enfin, ça s'est pas bien passé. J'ai pas passé la première épreuve, en fait. Tu vois, l'épreuve de toute la journée, là, où tu dessines... Voilà, j'ai reçu une lettre qui disait d'ailleurs que j'avais eu 2 sur 20 à l'épreuve, donc je pouvais pas continuer le concours. Et donc vous voyez, vous pouvez tous garder l'espoir. Oui, c'est ça, mais c'est plus drôle, et Hélène, tu t'en souviens probablement pas, c'est que je suis venu à l'école avec ce papier, parce que j'ai fait une sorte de court-circuit dans ma tête, je me suis dit, mais il doit y avoir un problème, faut que j'aille leur parler. Et donc je suis venu à l'école, je suis rentré dans le bureau d'Hélène qui était avec un élève et je lui dis voilà, j'ai reçu cette lettre, je crois qu'il y a un problème. Et tu m'as dit, mais ouais, bah, et tu m'as dit avec ce grand air, tu m'as dit mais vous savez, je peux pas faire ça pour tous les étudiants. Et là derrière moi j'entends qui êtes-vous? Et c'était Eric River qui m'a passé un savon, qui est donc le directeur de l'animation, qui m'a passé un savon monstrueux, qui m'a dit qui vous a laissé rentrer, sortez tout de suite de l'école monsieur. Et je suis sorti, j'étais tout petit quoi. Et je me suis dit mais je vais jamais rentrer dans cette école, c'est foutu quoi, ils me détestent. Et il m'a détesté quelques jours et des années après maintenant Eric River dit dans tout ce fait, oui regardez Alexandre qui est maintenant un DreamWorks et qui t'a dit on embauche quoi maintenant. Oui c'est ça, voilà, c'est comme quoi il faut tenir, et comme quoi on peut avoir 2 sur 20, ça j'adore ce genre de choses, on peut avoir 2 sur 20 une année puis finalement passer entre les deux il y a beaucoup d'huile de coude, il a travaillé, mais oui c'est ça, il a simplement travaillé, on travaille, on s'améliore. C'est la vie, quoi. Il suffit de bosser, et puis... Mais ce qui est étonnant, parce qu'en fait, ce sont souvent des matières un peu artistiques, entre guillemets, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de techniques aussi. Donc, c'est comme tout, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Si vous ne travaillez pas, vous n'arrivez à rien, quoi. Allez, il faut le faire, quoi. Je vais me faire l'avocat du diable. Juste une méchant. Fois. Et après, on va venir quand même aux écoles première année, deuxième année, troisième année. On va voir un peu comment est la pédagogie des gobelins. Je vais pas être méchant. Je vais me faire un petit peu. C'est que on parle depuis tout à l'heure, en effet, des grands noms et des gens qui sont partis animateurs. Et on le voit bien, c'est souvent des techniciens d'un talent énorme. De toute façon, qu'est-ce que serait l'animation sans. C'est bien beau d'être réalisateur si, comme le disait Florentine, s'il n'y a pas des super bons techniciens derrière pour faire le film, c'est un peu ridicule de penser que l'animation pourrait être que d'un. Enfin, peut se permettre d'être juste avec un grand réalisateur ou aussi qu'avec juste des bons techniciens. C'est une banalité, mais c'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe, peut-être pas encore plus que la prise de vue réelle, qui est énorme aussi, mais voilà, c'est pas possible autrement. Et les grands films aujourd'hui sont, Frédéric Bach est autant. Un grand auteur qui est un grand animateur, donc c'est un petit peu, on va pas. Mais quand j'entends les noms qui sont dits, j'entends pas. Ouais, je sais, il fallait que je te cite au moins une fois, c'est une obligation, il fallait que je cite Gilles. Par exemple, on m'a pas dit, tout à l'heure, on m'a dit ah oui, il y a Gilles Cuvelier. Gilles qui est passé par les gobelins et qui juste. Il y en a finalement peu, il y en a de plus en plus par contre, qui sort des gobelins, qui vont créer leur. Boîte, on va dire, pour faire du court-métrage. Il y en avait finalement très peu il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus important. On a vu... allez, j'arrête de parler, mais on a vu ce très, très beau film qui est Jean-François. Oui. Hein, qui est tiré des... qui est de Tom et Gomat, oui. Voilà, tout à fait. Et Bruno, oui. Oui, et qui... donc voilà, donc il y en a de plus en plus, mais c'est pas encore le... les noms qui circulent le plus dans les gens qui finalement rentrent au gobelin. Voilà, j'ai fait. Donc en effet, Hélène, t'as raison. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par les gobelins et nous sommes très faillibles. Non, mais c'est, encore une fois, c'était juste. C'est parce que c'est pour arrêter, enfin pour voir un petit peu et pour dire, en effet, aujourd'hui il y a peut-être un peu plus de ça. Ça n'empêche pas, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir faire plein de choses et même ouais, pourquoi pas d'avoir des gens qui finalement. Cher qui dit qu'Alexandre, en effet, revient déjà pour faire un long métrage en France. Non, mais alors surtout, qu'il aurait pu rester, et puis bon. Ça, c'est pas lié au gobelin, je pense, mais oui, c'est lié au fait qu'il y a un public de plus en plus grand en cinéma d'animation. Avant, il n'y avait que les enfants qui allaient voir les films d'animation, quasiment, ou les initiés. Bon, maintenant, on peut dire qu'il y a un vrai public qui se développe. Il y a plein de festivals. Il y a quand même quelques salles qui diffusent quelques films de temps en temps. Très peu, mais il y en a en effet, ouais. Peut-être pas les courts-métrages, en tout cas, il y a plus de longs-métrages qu'avant. Il y a des producteurs qui prennent le risque de se lancer dans un long métrage. Donc, Le développement permet finalement. Oui, aussi. Et le numérique. Aussi, finalement, et le numérique permet aussi de créer des petites structures, de faire son film plus facilement. Parce que quand on faisait du gouachage sur cellulo, hein, c'était quand même une sacrée armada. Enfin, bon, c'était tout un beans. Alors qu'avec un ordinateur, c'est quand même plus simple. Et tout ça, ça a contribué au fait qu'on fabrique plus de films, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire, encore une fois, c'est vrai que souvent pour présenter, je parle des gens qui sont devenus réalisateurs de courts-métrages sortant des gobelins. On peut dire qu'en tout cas, si certes il y a 10 ans, Gilles Cuvelier par exemple était encore quelqu'un d'un peu à part, atypique. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sortant des gobelins peuvent se dire ou peuvent avoir envie. Après, il y a tout ce qui est l'économie d'aujourd'hui, qui là par contre, voilà, qui est autre chose. Mais en tout cas, il y en a de plus en plus qui peuvent se dire, allez, moi, on se lance dans le court-métrage. Mais de toute façon, je pense que parmi tous les... Enfin, Fred sera d'accord avec moi, je pense, mais tous les étudiants qui passent par l'école, tous ne sont pas réalisateurs, n'ont pas tous envie de... Un animateur, ça peut être un fou d'anime, quoi. Enfin, qui n'a envie que d'animer, et toute sa vie, que d'animer. Donc, en fait, il y a de tout à l'école. Il y a des gens qui adorent le décor, qui adorent... Ou la bande dessinée. Ou qui il y en a qui arrêtent, qui peuvent arrêter. Ça, il ne faut pas trop le dire, parce qu'après... bon. Mais c'est vrai. Et puis l'animation, ça peut être sympa d'arrêter... Enfin, excusez-moi, mais je pense que c'est bien de quelquefois, de prendre l'air un peu, de faire le tour du monde, comme le fait François Leroy aussi, par exemple, qui travaille chez Je suis bien content, et puis qui revient, qui fait son film, ou qui va travailler sur une pub ou deux, Voilà. Et puis il y en a d'autres, ils font des BD, et puis ils reviennent à l'animation, et puis ils font un film, et puis ils reviennent à la BD, et voilà. Et je trouve ça formidable. Et Riyad Satouche, par exemple, il est allé vers la prise de vue réelle, oui, et bien tant mieux. Mmh. Et peut-être qu'il ne parlera plus jamais de cinéma d'animation, mais on n'en sait rien. Et puis c'est pareil pour Manu et toute l'équipe des... Ça y est, j'ai un trou. Je savais bien que j'aurais un trou. Oui, tout à fait. Et maintenant, il travaille sur la prise de vue réelle. Et voilà, et tant mieux. C'est pas... Le cinéma d'animation n'enferme pas forcément dans une cave. C'est bien. Non, mais c'est juste important. C'était juste important. Et Gobelins, c'est un tremplin, c'est un passage. Voilà, c'est juste de ne pas... Comme les autres écoles. De ne pas se fermer, finalement. C'est pour ça aussi que le mélange et le fait de parler tous ensemble et ne pas se fermer. Et de toute façon, ça, c'est quelque chose qui est important, en effet. Et je pense qu'on a... Alors, ça, c'est ma petite parenthèse. Je pense qu'on a encore un problème en cinéma d'animation. Comme je le disais tout à l'heure, on est encore un peu trop... On oublie souvent un petit peu le mot cinéma. Et on est un peu trop justement dans la technique et dans l'animation. Ça, c'est mon petit truc à moi. Hein. C'est moi qui... personnel. Mais je pense qu'en effet, on a un petit peu encore ce problème et que souvent, on réfléchit moins en termes cinématographiques purs qu'en termes... Comment, justement, comme tu sais, comment je vais pouvoir le faire? Attention, je ne veux pas être limité par la technique, mais aussi, pourquoi je fais à un moment donné un travelling, ou pourquoi je fais tel plan et pas un autre? C'est un autre débat. On va revenir au Gobelins. Ah, moi, je voudrais rajouter quelque chose quand même. C'est aussi ce qui est formidable à l'école, c'est toute l'équipe des intervenants qui... Bon, alors là, je ne peux pas les nommer non plus parce que c'est absolument énorme. Alors, il y a des anciens, mais il y a aussi tous ceux qui travaillent justement dans tous les types de projets, de production, dans tous les studios, et puis tous ceux qui viennent d'ailleurs, enfin, et qui passent à l'école et qui s'arrêtent et qui disent voilà, moi j'ai envie de rencontrer vos élèves et travailler avec eux. Et ça peut aller de personnes de DreamWorks ou de studios japonais, en passant par Plantu, qui vient faire une conférence au moment de la semaine de la presse et qui dit ben voilà, moi j'ai vu vos films, ça m'intéresse de travailler avec vos élèves et de voir comment on fabrique un film d'animation, parce qu'il est passionné par l'image. Et voilà, c'est ça qui est génial à l'école, parce qu'on peut rebondir sur des propositions et les élèves rebondissent très volontiers aussi. Et donc voilà, la notoriété comme ça a permis aujourd'hui finalement de s'ouvrir énormément, quoi. Oui. Je voulais venir, alors, juste pour vraiment la légende, c'est quoi la pédagogie, première année, deuxième année, troisième année, qu'est-ce qu'on apprend? En gros, évidemment, je pense qu'il y a plein de choses qui sont mises en place, mais je sais pas qui veut. Hélène, Fred, on peut parler de la première année. Les bases. Les bases, voilà, parce qu'on a parlé des bases tout à l'heure. Mais les gammes. C'est vrai qu'il faut absolument remettre les choses à plat dès l'entrée, en fait. C'est-à-dire que on va utiliser des outils, l'animation est un moyen, et il faut être capable de s'exprimer avec cet outil-là. Donc pour s'exprimer, il y a une sorte de grammaire, il faut pas faire de fautes d'orthographe, etc. Donc c'est vrai, quand ils arrivent, donc c'est vrai que ça paraît un peu surprenant. Bon, ils ont des petits exercices on commence par de la perspective et en mouvement, quoi. Hein, comment faire de la perspective en mouvement? Alors ça paraît bizarre quand on parle perspective, parce qu'on se dit c'est de l'image fixe, ça va être utilisé pour des décors, c'est pour faire donner un peu de profondeur à l'image. Et en fait c'est exactement l'inverse. Hein. On fait de l'animation et s'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'animation. C'est-à-dire que vous pouvez pas exprimer un volume dans l'espace qui se déplace. Donc un volume, qui dit volume dit personnage. On est tous des volumes. Et donc, si vous n'arrivez pas à le situer dans l'espace, c'est cuit. Donc il faut absolument investir et avoir d'excellentes notions de perspective et de construction, etc., et de géométrie et de choses comme ça, qui seront utilisées pour les décors, bien sûr, mais aussi pour le personnage. Donc, ces bases-là, en fait, ils vont faire 3 semaines sur ces petits exercices-là. Et puis après, le programme pédagogique est fait de façon à ce que il y ait une progression une fois qu'on a acquis ces moyens, ces outils de représentation, on va dire, d'être relativement libre de représenter ce qu'on veut dans l'espace. Après, on s'attaque au vrai problème. En fait, on aurait aimé pas s'occuper de ça quand ils arrivent. Parce qu'en fait, c'est pas l'objet de l'école. Malheureusement, on doit... tous n'ont pas le même niveau, tous n'ont pas fait de perspective au même niveau. On est obligé d'avoir cette petite mise en jambe, on va dire, pour rééquilibrer. C'est obligatoire. Alors, comment ils sont... Comment ils sont recrutés ? Mais parce qu'ils sont tombés sur le jury gentil. D'accord. C'est tout. Donc, par la faute d'Hélène, que dans le jury gentil... Hélène. On a des gens qui n'ont pas... D'accord. Voilà, mais bon, ça... Mais s'ils sont rentrés, c'est quand même rien, quoi elle, qu'ils ont... Elle est dans l'école. Donc, alors, Hélène, le jury gentil... Oups, on va avoir des choses qui vont se régler en 10 minutes. On m'avait dit que c'était le jury méchant, hein, mais moi, j'ai pas trouvé. Qui était, d'accord, c'était... Moi, j'étais le jury méchant. Toi, t'es le jury méchant, alors. Donc, comment... Il y a plein de gens, je suis sûr, qui écoutent. Il y a plein de gens qui vont venir au Carrefour ou quoi, qui, en effet, les gobelins font évidemment rêver. Est-ce qu'on peut rentrer en ayant... Alors, faut avoir quoi? Un super bon, quand même, déjà, niveau? Est-ce qu'il faut avoir un univers? Ah bah oui. Est-ce qu'il faut avoir un univers qui est personnel et on se dit voilà c'est ça et on se dit est-ce que c'est toujours la même chose, on a envie que l'étudiant amène quelque chose aussi à l'école, enfin oui, comment bien ça sûr, ouais. Hélène, oui et puis aux autres et puis surtout qu'il ait l'esprit ouvert, curieux et alors tu disais un univers. Oui, mais après, dans l'école, ils sont tous « j'ai mon univers et je veux pas partager avec les autres » ou pas. Non, c'est des univers qui sont modifiables, ouverts et qui peuvent s'inspirer, modelables. Oui. C'est compliqué, ça quand ils sont à 4 ou 5 sur un film. C'est vrai, on va demander à Vincent et Alexandre. Parce qu'il y a Vincent qui fait « depuis tout à l'heure, il fait des grands gestes. L'ancien qui est parti, il est là, il fait des univers. C'est terrible. Vincent, oui. C'est dur avec les autres camarades de se... Ouais, travailler en groupe sur le film de fin d'études, quand on a tous nos envies, c'est pas facile d'accorder ses violons parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps au final, même si c'est assez long, pendant 6 mois et tout ça. Et c'est vrai qu'on a tous envie de faire un peu le film dont on rêve chacun pour notre film de fin d'études, que ce soit vraiment l'aboutissement de ce qu'on a appris à l'école. Mais bon, tout le monde tient un peu la couverture de son côté et au final, c'est assez difficile. Mais on apprend aussi, je pense, au cours de la formation à faire des concessions. On y arrive, oui, en partie. Mais allez, bon, vas-y, dis-le maintenant, t'es parti. Non, mais ça dépend, lâche-toi, ça dépend. Je pense honnêtement qu'il y a des groupes qui fonctionnent mieux que d'autres à ce niveau-là, au niveau de la réalisation, c'est-à-dire qui arrivent mieux à peut-être laisser les responsabilités sur moins de personnes du côté de la réalisation par exemple, et qui donc obtiennent peut-être un film plus cohérent que d'autres, mais dans tous les cas c'est toujours une excellente expérience et un apprentissage très complet de faire un film de fin d'études en groupe, parce que je pense vraiment que, comme disait Alexandre tout à l'heure, aller travailler après quand on arrive dans le monde du travail, moi j'ai pas encore beaucoup travaillé mais un petit peu, et en arrivant dans le monde du travail on se rend compte quand même que c'est vrai que le travail en groupe ça vous donne déjà des réflexes qui sont importants vis-à-vis des autres, pense à qui vient avant, qui vient après dans la chaîne, dans ce qu'on fait, et c'est apprécié par beaucoup de gens. Toi, tu viens de finir le film, on va en parler sur Internet, parce que tous les films, les gobelins ont une chaîne YouTube où on peut voir tous les... Et on voit d'ailleurs le succès de l'école, puisqu'on voit le nombre de visions déjà de certains films, qui est un peu impressionnant. Alors c'est vrai qu'en plus, quand on est poussé par certains sites, je sais que Marc Katsuka, I guess, je sais plus lequel, c'est le Royaume qui a l'air de sortir du lot cette année. Ah voilà, déjà 100 000 vues. Ah voilà, c'est absolument incroyable. Il y en a toujours un qui est plus relayé, dans toutes les écoles, il y en a toujours qui sont plus relayés dans les promos. Donc toi, le tien, c'est lequel? Moi, j'ai travaillé sur Smoke My Christmas. D'accord. Donc, il est sur Internet. Ouais, t'as déjà les réactions des gens. Oui. Ouais. Les réactions par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils réagissent comme on attendait ou pas Oui, en général, il y a beaucoup de choses quand même. On s'attendait un peu à avoir ce genre de retour. Ouais. Mais il y a des petites surprises aussi. Des fois, une réflexion qu'on regarde comme ça et on se dit « Ah, on n'avait pas du tout pensé à ça ». où des fois on fait des retours sur la réalisation quand on était en train de parler du découpage ou du scénario et on se dit ah ils ont remarqué ça genre ouais. Alors que nous c'était 6 mois avant quoi, ouais. On a dit on va supprimer ce plan là et en fait bah, ils le voient quoi les gens et ça c'est assez fou mais sinon voilà il y a pas les réactions sont variées. T'as des studios qui ont appelé, il y a des choses comme ça. Tu fais là, tu étais sur quoi quand on sort des gobelins quand... Ouais, en sortant, bah oui, si, y a beaucoup d'opportunités quand même. Ouais. Donc il faut avouer que c'est vrai que c'est un gros tremplin de ce côté-là, au côté des contacts. C'est parce qu'on bah, on rencontre beaucoup de monde entre les journées professionnelles, les gens qui viennent visiter les portes ouvertes. On laisse beaucoup de cartes, on nous apprend aussi à nous vendre. Donc c'est vrai que la formation est vraiment complète ça. À tous les niveaux, donc c'est bien ça aussi. Et de ce côté-là, oui, il y a pas mal de gens qui vous appellent. Donc, on passe des tests, des fois, quand il faut faire de l'animation. Et moi, je n'ai pas fait d'anime en sortant tout de suite. Là, j'ai travaillé 2 mois en tant que concept designer dans une boîte de cinéma effets spéciaux pour Hollywood. Ouais, où ça? Donc, c'est chez Buff, ouais. En fait, qui fait donc voilà, qui bosse sur des gros films américains et des choses comme ça. C'est une grosse boîte en France. Ouais, voilà. C'est une des pionniers de la 3D, ouais. Quoi. Donc, bah, là, pour le coup, j'étais entouré... quasiment que de gens qui faisaient de la 3D alors que moi je faisais du design donc j'étais un peu bien un petit canard de la boîte. Mais bon, voilà, je peux pas dire sur quoi j'ai bossé, ah, voilà, mais par contre super, c'était une bonne expérience, c'était intéressant. Et là en ce moment bah, j'ai arrêté pour un temps et je prépare un projet avec des camarades de mon film de fin d'études pour peut-être voir peut-être co-réaliser une pub dans une boîte chez Cube peut-être. Ça, je trouve ça génial parce que en fait, il y en a beaucoup qui continuent après. Mais quand ça s'est bien passé, ouais. ils développent d'autres projets. C'est un truc dont je voulais en parler aussi, c'est que on a beaucoup parlé des intervenants, de l'école, de la formation, des cours qui sont géniaux et c'est vrai. Donc ça, je ne contredis pas. Mais il y a Hélène qui te regarde. Regarde, je suis juste à côté. Autrement, voilà. Mais il faut quand même parler de l'émulation qui dans l'école, je pense, est peut-être un, voire peut-être l'élément qui moi m'a le plus marqué, c'est qu'on passe 3 ans avec des gens avec qui on noue des liens très très forts. Et selon avec qui on va travailler, on remarque souvent qu'il y a même des sortes de binômes ou de trinômes, de gens qui se forment et qui se suivent même des fois après l'école et dont le style évolue même en fonction. On peut reconnaître des fois comme ça des pattes graphiques qui ont travaillé ensemble à l'école. Et c'est, je trouve ça intéressant aussi. D'accord, Hélène, vous nous parlez de mythique gobelin. Ou les mariages à l'intérieur des gobelins, c'est ça, c'est même des mariages vitels. De mieux en mieux pour les gobelins, c'est soyez les meilleurs animateurs possibles. Et en plus, vous pouvez vous marier, trouver votre compagne ou votre compagnon aux gobelins. Waouh! Oui, hein, c'est ça, c'est un petit peu. Qu'est-ce que. Il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit? C'est énorme, évidemment, comme montagne, les gobelins. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit qu'il aurait fallu absolument dire? Bah que c'est pas une montagne, justement. Non, quand je dis c'est une montagne, peut-être pas pour y rentrer, ou en tout cas pour entrer c'est difficile, mais une fois on peut, on voit que l'ambiance, une fois qu'on est dedans, et c'est vrai qu'on, tout est à, il y a un étage en fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est les premiers, deuxième, troisième années sont finalement au même niveau, donc absolument, je suppose ouais. Qu'il doit y avoir un échange à travers, à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'on en traverse le couloir en fait. Donc c'est assez ça, pratique quoi, pour parler. On a parlé des super bons intervenants. Je ferai partie cette année. On a parlé des. Ouais, je dis ça comme ça. De quoi on a parlé des super bons élèves qui sont passés par. Et on n'a pas parlé de la cantine. La fameuse cantine. Florentine, c'est la première chose qu'elle m'a dit quand elle était là-bas. Elle m'a dit les gobelins. Je lui ai dit, tu travailles aux gobelins. Elle me fait, ils ont une cantine absolument incroyable. C'est vrai. C'est vrai. Donc la cantine qui risque de. Disparaître. Donc il faut se battre pour la cantine. Oui. Ouais. Battez-vous tous pour la cantine des gobelins. Allez, il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on peut dire, les gobelins? Qu'est-ce qu'on peut penser pour les gobelins? Vous avez été nominé aux Oscars. Il y a eu les prix pour dans les Cigrades, dans les plus grands festivals du monde. Tout le monde vient du monde entier pour rentrer dans les gobelins. C'est combien de, on va même pas dire parce que ça nous intéresse pas, mais combien de personnes finalement qui rentrent? Il y en a très peu par rapport au nombre qui. Oui, voilà. 25 par an. Voilà. Donc c'est qu'est-ce qu'on pourrait. C'est quoi les prochaines. Prochain combat des gobelins, c'est quoi la prochaine voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que les gobelins vont se battre? Donc ne pas perdre cette essayer de garder le dessin un peu quoi. Le crayon. Bon, pour l'instant en tout cas ça peut évoluer. De toute façon, on évolue sans arrêt, quoi. Peut-être ce qu'on peut dire quand même, on a parlé beaucoup de technique et je pense que c'est un peu gênant de formuler la technique en tant que technique. C'est-à-dire que la technique, c'est utile, c'est un moyen utile, indispensable. Et pour s'exprimer, c'est-à-dire que si on ne sait pas aligner deux mots, ben on ne peut pas parler, quoi. C'est simple. Donc il faut apprendre à parler avant de dire des choses, avant de dire des pensées, en fait. Donc ben là, la technique, ça sert à ça. Donc ça fait partie intégrante de l'art, en fait. Et quand on parle de technicien dans un studio d'animation, chaque technicien, même si c'est un spécialiste en décor ou en animation, c'est avant tout un artiste et on fait appel à lui parce qu'il a un excellent niveau artistique et qu'on attend de lui qu'il soit hyper créatif, quoi, dans un secteur très et qu'il soit très pointu et que ça soit un créatif d'enfer en anime avec une excellente connaissance du mouvement, avec une patte propre, sa propre vision du mouvement. Qu'est-ce qu'il projette en fait au niveau du timing, au niveau d'un décorateur, quelle est sa vision de la lumière, de la manière dont réagit la couleur, quel outil il utilise pour obtenir quel résultat. Et en fait, quelle est sa palette de connaissances et par rapport à ce qu'on va pouvoir lui demander et ses moyens d'expression, quoi, en fait. On voit bien que c'est complètement imbriqué. Et donc, on est, voilà, dans l'avenir, on est là-dessus. Ok, ben merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Tout le monde n'a pas pu parler autant qu'on l'espérait. Comme d'habitude, avec Bulle de Rêve, c'est toujours... Non, c'est bien qu'il y ait plein d'invités. Non, c'est très Florentine. Bien. Donc la prochaine émission, elle est Je les remercie tous parce que c'est vrai qu'on les a prévus un peu la dernière minute. Donc merci à tous d'être venus. C'est ma plus grande chaîne à moi. Et la prochaine émission, c'est le 2 octobre. Donc voilà, c'est dans pas beaucoup de temps. Et puis on vous parlera de l'événement. Encore une fois, je le répète, mais parce que c'est un véritable événement. C'est la fête et c'est surtout Jan Schwankmeyer qui va venir au Forum des Images. C'est l'un des plus grands maîtres du cinéma d'animation. On avait l'une des meilleures écoles aujourd'hui et j'espère avoir une interview de Jan Schwankmeyer. On va finir avec, bien évidemment, Kon Satoshi. Alors, c'est pas le morceau d'après qui était juste après, c'est juste le morceau d'après. On finit avec quelque chose d'un petit peu plus, malgré le fait que le cinéma de Kon Satoshi va nous manquer parce qu'on n'en aura plus, même si on espère avoir son dernier film. On va finir avec un morceau de Tokyo Godfathers et un morceau qui est un petit peu allé en jouer. Malheureusement, lors de sa dernière lettre, Kon Satoshi savait qu'il allait mourir d'un cancer et il dit bien, malheureusement, la vie n'est pas comme dans le cinéma, elle n'est pas comme dans Tokyo Godfathers. Et ben, on va essayer de garder quand même ça comme vision. Merci encore une fois à tous et donc au 2 octobre. Merci. À bientôt. Merci.